je veux commencer à faire comprendre les nuances de ma pensée. Je veux commencer à faire comprendre les nuances de ma pensée. Et c'est dans les nuances de ma pensée que l'homme découvrira les aspects de la sienne. L'homme ne peut pas comprendre les nuances de ma pensée tant qu'il n'est pas dans la vibration de sa propre intelligence. Mais il peut comprendre les aspects de la sienne. Et lorsqu'il aura compris les aspects de sa propre pensée, il commencera à s'avancer dans sa propre intelligence. Et à ce moment-là, les nuances de ma pensée disparaîtront et il sera dans la même intelligence, dans la même vibration. Il sera facile pour lui de parler avec moi comme il sera facile pour moi de parler avec lui. Et les deux, nous pourrons parler ensemble et nous écouter alors que l'autre parle ou parler alors que l'autre écoute. Mais jamais, jamais plus perdre de l'énergie à essayer de rationaliser ce que l'on dit pour le bénéfice de notre propre écoute. Élaborer en profondeur un des sujets les plus importants de l'homme. Un des sujets qui concerne le plus l'homme, puisque je veux dire un des sujets dont se concerne le plus l'homme. Un sujet qui est totalement mal compris, un sujet qui est mal vécu, un sujet qui est totalement occulte et qui n'appartient pas à l'homme. Un sujet qui a été amené à la conscience de l'homme pour lui permettre de raffiner ses mœurs, mais qui ne sera compris par l'homme que dans l'avenir. J'ai attendu pour parler de ce sujet-là à cause de la puissance de la forme, et aussi pour que les gens puissent l'entendre de ma bouche d'une façon impartiale sur le plan du sentiment. Alors, le sujet, c'est le sujet de l'amour. L'amour sur la terre, tel qu'il a été vécu, tel qu'il a été compris, connu, ce n'est pas de l'amour dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes les plus hautes, l'amour tel que l'a compris par le passé l'homme n'est pas de l'amour. C'est une forme d'amour. L'amour se manifeste de trois façons. Il se manifeste au niveau du sentiment humain, au niveau de la passion humaine, ce qui est sa manifestation la plus générale, la plus universelle. Il se manifeste aussi sur le plan spirituel, qui est la forme la plus connue de l'homme, la plus recherchée de l'homme, celle qui a été la plus déterminante sur le plan de l'évolution, sur le plan de la civilisation, et celle qui a servi à l'homme psychologiquement autant que philosophiquement, l'amour spirituel. L'amour religieux, c'est la même chose. Et dans l'amour spirituel, autant que dans l'amour passionné, il y a des limites. L'amour spirituel appartient à l'ego comme l'amour de la passion, ou l'amour passionné appartient à l'ego. Et en contraire distinction avec ces deux formes d'amour qui ont servi dans l'évolution dans le passé de l'humanité, viendra une nouvelle manifestation de l'amour qui est directement le produit de la conscience pure et qui est un amour qui n'appartient pas à l'ego de l'homme. L'amour en tant que principe universel, l'amour en tant que manifestation du rayon dans l'homme n'est pas de l'homme, n'est pas construit de l'homme et se véhicule par l'homme seulement lorsque l'homme n'est plus dans l'ego de sa conscience. Cet amour est totalement inconnu de l'homme. Et lorsque cet amour sera vécu et véhiculé par l'homme, l'homme sera déjà dans le désert de la forme et n'appartiendra plus à l'humanité, à la cinquième race de l'homme. Les raisons pour l'exploitation de l'amour, le développement de l'amour sur la terre, sont des raisons qui relève du plan de la création de la galaxie et qui relève du plan de l'évolution de la planète Terre et des races qui l'habitent. et autant les raisons sont occultes ou cachées ou vastes à cause de l'origine de leur intelligence et du plan de l'évolution dont ils sont les structures, autant l'homme est incapable de saisir parfaitement ce qu'est l'amour tant qu'il est dans la conscience animale. C'est-à-dire que tant que l'homme n'a pas substitué ses sentiments humains pour une conscience pure et totale, il lui est impossible de connaître, de reconnaître, de voir, de vivre de cette énergie que l'homme appelle d'une façon subjective l'amour. Dans son expérience, l'homme fait preuve d'amour à tous les niveaux de son expérience. Mais la preuve d'amour dont il fait est conjointement liée à son activité émotionnelle et son activité mentale. Et l'activité émotionnelle et mentale de l'amour de l'homme empêche l'homme de connaître l'amour ou l'énergie qui s'exécute sur le plan humain à partir du rayonnement de la force à travers l'âme, à travers l'ego, à travers la personnalité. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que tant que l'homme aimera comme il a aimé, l'homme réduira les possibilités évolutives de sa conscience et se soumettra à des formes dont la pluralité exceptionnelle sur notre planète diminuera d'une façon très étanche sa volonté. Un homme qui aime inconsciemment perd la volonté cosmique en lui, bien qu'il accumule en lui des vibrations qui le rapprochent de la volonté spirituelle. Mais la volonté spirituelle et la volonté cosmique sont deux volontés différentes, ainsi que l'amour spirituel et l'amour cosmique sont deux amours différents, ainsi que l'intelligence spirituelle ou l'intelligence cosmique sont deux intelligences différentes. Autant l'homme doit perdre la notion de l'amour sur les deux paliers inférieurs afin de vivre éventuellement la totalité du principe, autant l'homme est obligé de substituer à l'esprit de sa volonté concernant cet amour pour qu'il puisse un jour vivre de la volonté pure comme il doit vivre un jour de l'intelligence pure. Mais les conditions de vie reliées à l'intelligence pure, l'amour pur et la volonté pure sont des conditions de vie qui ne sont pas conditionnées par l'ego. Ce sont des conditions qui proviennent de l'extérieur de l'homme, qui pénètre dans l'homme lorsque l'homme a été suffisamment préparé pour absorber la vibration de ses principes. C'est pourquoi les trois principes universels qui sont au-dessus de la structure quaternaire de l'homme, le physique, le vital, l'émotionnel et le mental, sont ou forment une trinité qui est difficilement perceptible à l'homme tant qu'il n'a pas souffert la destruction de ces mêmes principes à l'échelle de sa conscience animale. Autrement dit, pour que l'homme vive des principes universels de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, il doit vivre la destruction de l'aspect subjectif de la volonté, de l'amour et de l'intelligence sur le plan humain. Dans la descente de la conscience supramentale sur la Terre, c'est ce principe, cette manifestation de cette réalité triunitaire qui est l'amour, la volonté et l'intelligence, se manifeste dans l'homme en accord ou parallèlement avec la destruction sur le plan humain de la volonté humaine, de l'intelligence humaine et de l'amour humain, quelles que soient ses qualités ou quels que soient les appétits qu'elle projette dans l'homme. L'homme est une créature limitée. L'homme est une créature... Pardon. Est une créature... dont le pouvoir interne est totalement conditionné par la subjectivité en lui de principes universels non vérifiés à l'échelle de la conscience pure. Ce que je veux dire, c'est que tous les aspects positifs de l'involution, volonté, amour, intelligence, sont des qualités limitrophes de la conscience humaine et font partie de l'inconscience de l'homme. Quelle que soit la qualité que nous donnons à ces qualités, quelle que soit la dimension philosophique ou psychologique que nous accolons à ces qualités, lorsque l'homme entre en contact avec la conscience universelle, avec la conscience supramentale, la pénétration de cette conscience suffit à lui faire reconnaître, à lui faire réaliser dans son expérience personnelle et non dans l'expérience des autres ou par le biais de l'expérience des autres, qu'effectivement, son intelligence est autre, dans ce sens qu'il y a de l'intelligence en lui qui est active, qui détermine le mouvement de l'ego dans la vie, que la volonté est autre, dans ce sens que plus qu'il devient conscient de la vibration du principe, plus il s'aperçoit qu'il y a un conflit, qu'il y a un combat entre sa volonté subjective et cette volonté qui est universelle, et plus il avance dans la conscience universelle, plus il s'aperçoit que l'amour qu'il avait, que l'amour qu'il raisonnait, que l'amour qu'il paternalisait est un amour qui suffisait à ses besoins égoïques, qui suffisait à ses besoins spirituels comme à ses besoins animaux. Et tant que l'amour suffit à l'ego, tant que l'amour suffit à l'ego, tant que l'amour fait plaisir à l'ego, tant que l'ego se vêt de l'amour, tant que l'ego a besoin de s'exprimer d'amour ou dans l'amour, tant que l'ego se sert de l'amour, tant que l'ego est rattaché à l'amour, tant que l'ego est attaché à l'amour, tant que l'ego aime l'amour, l'ego n'est pas dans l'amour, parce que l'amour, ça ne s'aime pas. Tout rayonnement qui pénètre dans l'homme, provenant des plans universels, est une souffrance dans l'homme tant que les corps de l'homme ne sont pas ajustés. Alors, si la volonté pour vous est plaisante, c'est que ce n'est pas de la volonté cosmique. Si la volonté pour vous, si l'amour pour vous est plaisante, ce n'est pas de l'amour cosmique. Si l'intelligence pour vous est plaisante, ce n'est pas de l'intelligence cosmique. C'est une coloration de ces trois. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours annoncé que l'homme, dans son expérience, en contact avec la conscience universelle, avec la conscience supramentale, ou avec son réel, devra souffrir la pénétration du réel en lui, parce que le réel devra déplacer en lui les formes de l'amour, de l'intelligence et de la volonté, pour substituer en lui le grand vide dont les principes ont besoin pour se servir de l'ego d'une façon parfaite et pour permettre à l'âme de descendre de plus en plus dans la matière, afin qu'un jour cette âme puisse relever le défi de la matière et redonner à l'ego, qui sera revenu esprit, le pouvoir de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, afin que se spiritualise la planète Terre. Mais j'emploie le mot spiritualiser d'une façon qui m'est particulière. Tous les mots qui doivent servir à exploiter la compréhension des mystères doivent être d'abord dénudés de la mystification liée à ces mystères. Et lorsque nous parlons de la spiritualisation de la planète Terre, nous parlons de la spiritualisation de la planète Terre en relation avec le sentiment de l'amour que nous avons pour les hommes et en relation avec le sentiment de l'amour que nous avons pour la planète. Il n'en est pas ainsi. Lorsque nous parlons de la spiritualisation de la matière, de la planète, de la conscience de l'homme, de la conscience planétaire, nous parlons du pouvoir de l'esprit de l'homme sur les plans inférieurs de la création. Et les pouvoirs de l'esprit de l'homme sur les plans inférieurs de la création sont des pouvoirs qui sont directement liés au rayonnement dans l'homme de cette triunité de l'amour, de l'intelligence et de la volonté, mais non pas dans l'expérience sentimentale de l'homme, non pas pour le bénéfice égoïque de l'homme, mais dans une condition où l'ego de l'homme est totalement en suspension et où la personnalité de l'homme n'existe plus, parce que la personnalité sert l'esprit et ne sert plus l'ego de l'homme. L'amour universel est une force, est une puissance créative qui n'a aucune coloration, qui n'a aucune raison d'être. L'amour universel est une force qui n'a aucune raison d'être. Mais l'homme ne peut pas comprendre que quelque chose existe et que ce quelque chose n'ait aucune raison d'être. Alors l'homme doit être expliqué ce que ça veut dire. Lorsque nous disons que l'amour universel n'a aucune raison d'être, c'est lorsque l'homme est dans l'amour universel, lorsque l'homme est dans la réalisation du principe de l'amour par le biais de l'âme, en relation avec un ego qui n'est pas infecté par l'amour, mais qui sert simplement de canal. À ce moment-là, l'amour n'a aucune raison d'être parce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas. L'amour devient lorsque l'homme la véhicule ou la vit au niveau de ses sentiments, lorsque l'homme la vit au niveau de son être-té étrange à lui-même, de son être-té supramental. Lorsque l'homme vit l'amour dans le vide, à ce moment-là, l'amour devient. Autrement dit, il n'y a pas d'amour sur la terre. Autrement dit, il n'y a jamais eu d'amour sur la terre. Parce que l'amour devient, l'amour n'est pas. Et lorsque l'amour devient, l'homme est le canal de cet amour en devenir, et à ce moment-là, l'amour est implanté sur la terre. C'est seulement lorsque l'homme est conscientisé que l'amour est implanté sur la terre. Et avant que l'homme soit conscientisé, l'amour n'est pas, puisque l'amour c'est de l'énergie. L'amour c'est de l'énergie. L'amour c'est de l'énergie. Et ce qui est énergie n'appartient pas à l'homme, n'appartient pas aux civilisations, n'appartient pas aux races, parce qu'il est totalement indifférencié, parce qu'il n'est pas encore à découvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore en implantation sur la planète par le biais de la race. Alors, parler d'amour tel que les hommes ont parlé d'amour par le passé est une expérience psychologique, est une expérience morale, est une expérience philosophique, mais n'est pas réel. C'est pourquoi il n'y a jamais eu sur la planète Terre de paix. Si l'amour avait été implanté sur la Terre, il y aurait eu la paix sur la Terre. Ce que le Nazaréen parlait aurait déjà été vécu. Mais c'est impossible, puisque l'amour n'est pas implanté. Alors, ce dont l'homme a vécu pendant des siècles, c'était la forme de l'amour, et la forme de l'amour n'est pas l'amour. La forme de l'amour est aussi étrange à l'amour que l'enfant est à l'adulte. Et autant l'enfant est étrange à l'adulte, autant l'amour conscient est étrange à l'amour inconscient. Nous croyons que nous avons accès à ce qui doit être demain. Nous croyons que nous avons accès à ce qui doit être demain parce que nous avons aujourd'hui des sentiments de ce devenir. Nous croyons que nous avons accès à l'amour de demain parce que nous avons aujourd'hui de l'amour spirituel. Nous croyons que nous avons accès à l'intelligence de demain parce que nous avons aujourd'hui l'amour rationnel. Nous croyons que nous avons accès à la volonté de demain parce que nous avons aujourd'hui un semblant de volonté qui est le produit de notre libre arbitre. Et pourtant, je dis à l'homme que demain, l'homme réalisera que ce qu'il a aujourd'hui doit être détruit avant qu'il possède ce qu'il aura demain. Et comme je parle d'une façon absolue, je n'ai aucune preuve à apporter à l'homme, puisque je ne fais pas partie de l'homme, et puisque ce que je dis est pour le bénéfice de l'homme de demain, et non pour le bénéfice de l'homme d'aujourd'hui. De sorte que tous les sentiments qui se rapportent à l'instruction de l'homme de demain, puisque ces sentiments qui le servent temporairement, puisque les sentiments qui lui permettent de se lier petit à petit vibratoirement à ce qui sera vécu demain le servent, il y a une raison de parler aujourd'hui pour ce qui sera vécu demain. Mais je mets l'homme en garde contre l'amour, contre la volonté et contre l'intelligence. Je le mets en garde parce que si l'homme s'attache à l'amour, à la volonté, à l'intelligence, et surtout à l'amour, il sera dans un grand danger. Parce qu'il sera obligé de souffrir la destruction de la forme. Et la forme la plus pénible pour l'homme, la forme qu'il doit le plus détruire, la forme qui est la racine même de l'arbre, c'est l'amour. La forme qui empêche l'homme d'accéder à sa volonté universelle, c'est l'amour humain. La forme qui empêche l'homme d'accéder à son intelligence universelle, c'est l'amour humain. La forme qui empêche l'homme d'accéder à l'amour universel, c'est l'amour humain. L'amour, tel que le vit l'homme, tel que le conçoit l'homme, est la plus grande désillusion de l'humanité. L'amour tel que le vit l'homme, tel que le conçoit l'homme, tel que le sent l'homme, est la fondation de la perdition de l'homme. Parce que l'amour dont connaît l'homme, que vit l'homme, n'est pas l'amour du Christ, du Nazaréen. C'est l'amour de ceux qui sont venus après lui. Et si je dis que l'amour est la fondation de la perdition de l'homme, je veux dire cinq choses. Je dis que l'amour qui n'est pas connu, l'amour invisible, l'amour de l'invisible, l'amour dans l'invisible est une puissance, tandis que l'amour sur le plan humain est un sentiment. Et tout sentiment engendre une limitation de la volonté, parce que tout sentiment rapproche l'homme de lui-même au lieu de l'écarter de sa personnalité, au lieu d'amener en lui l'énergie de l'âme qui, par le feu de l'esprit, détruit toutes les formes. De sorte qu'un homme qui aime trop, par le biais du spirituel ou du passionné, peut facilement tronquer ses chances de connaître l'amour universel, justement parce qu'il aime trop. Alors, trop aimer, c'est mal. Parce que trop aimer, c'est mal aimer. Et mal aimer, c'est mal. Parce que mal aimer empêche la volonté de l'homme de se manifester dans la pluralité de la conscience universelle, c'est-à-dire dans des conditions qui forcent l'ego, la personnalité, à s'isoler totalement du mal planétaire pour entrer dans le bien-être personnel du rapport entre l'homme au niveau de son âme et au niveau de son ego. C'est pour ça que l'initiation solaire est une initiation qui est personnelle, qui est seule, qui est solitaire, qui est vécue par l'homme seul et qui est reconnue par les hommes avec le temps. De sorte qu'avec le temps, la solitude disparaît et les hommes sont universels. Alors, pour la première fois dans l'évolution de l'homme, il est indiqué à l'homme que mal aimer est dangereux et qu'aimer avec l'homme, par le biais de l'homme, pour le bénéfice de l'homme, empêche l'homme d'entrer dans le contact du rayonnement en lui et empêche l'homme de rentrer dans la conscience christique. Parce que l'amour de l'homme n'est pas un amour parfait, parce que l'amour de l'homme est une vision spirituelle d'un sentiment qui appartient à une conscience déjà retardataire, une conscience qui ne peut plus lui donner de vie parce qu'elle est déjà morte. Si la conscience, elle est déjà morte, comment voulez-vous qu'il pousse dans cette terre de conscience une fleur nouvelle? C'est impossible. L'homme peut se leurrer et l'homme se leurrera parce que ça fait partie de la conscience de l'homme. Et si j'annonce à l'homme aujourd'hui que l'amour tel qu'il a été vécu par l'homme retarde l'évolution de l'homme, dans toutes ses formes, je lance un défi à l'esprit de l'homme et j'attends que l'esprit de l'homme me lance un défi. Et lorsque l'esprit de l'homme, de l'humanité, m'aura lancé un défi, je serai parmi les hommes dans un autre corps. Mais tant que les hommes n'auront pas compris ce défi, je serai parmi les hommes dans la matière. Je ne peux pas attendre les hommes. Il est évident que l'humanité en général, que l'humanité dans sa totalité, dans sa totalité quantitative, ne peut pas être exprimée, ce que je vous dis, dans un lieu privé. Mais l'humanité, un jour, devra savoir, d'une façon ou d'une autre, si ce n'est pas directement par ma bouche, ce sera directement par d'autres moyens, que l'amour de l'homme, l'amour de la cinquième race, est simplement une impression dans l'esprit de l'homme, pour que se développe dans son ego des habitudes positives, des mœurs plus sensibles, afin qu'il y ait de plus en plus de rapports entre les hommes, afin que la communication se fasse de plus en plus entre les hommes. Mais cet amour est totalement insuffisant et cet amour ne peut jamais éventuellement devenir la base de l'exécution du plan Moronciel sur la planète Terre. L'amour tel qu'il est connu par l'homme détruit en lui sa volonté cosmique. Parce que c'est un amour qui fait partie de la vision de l'homme. C'est un amour qui fait partie des sentiments de l'humanité. C'est un amour qui est coloré par les opinions spirituelles et religieuses de tous les hommes, de toutes les races, de toutes les civilisations, de toutes les religions. C'est un amour qui est totalement séparé de l'individualité. C'est un amour qui n'appartient pas à la fusion de l'ego et de l'âme. C'est un amour qui appartient à la forme spirituelle de la planète, qui cherche à contrôler les sentiments de l'humanité pour mieux garder l'humanité dans l'ignorance. Alors l'amour sur la planète aujourd'hui est un mal. Et lorsque je dis que l'amour est un mal, je ne dis pas que l'amour n'est pas un bien. Et je vous adjure de ne pas interpréter ce que je dis parce que vous aurez des souffrances dans l'esprit, parce que ce que je dis ne se comprend pas par votre intellect, mais se comprendra par votre esprit. Lorsque je dis que l'amour est un mal aujourd'hui, je dis que l'amour aujourd'hui fait faire à l'homme des choses qui vont contre la nature de son esprit pour le bénéfice de son ego. Et si la rose retarde l'évolution de l'homme, elle doit être mise au feu. C'est pourquoi l'amour inconscient, quelles que soient ses formes, devra un jour être mis dans le feu. Et elle sera mise dans le feu par le feu de l'esprit qui aura contact avec l'intelligence de l'amour. Et lorsque l'homme aura l'intelligence de l'amour, il verra que l'amour qu'il a vécu, que l'amour qu'il a connu n'était pas de l'amour, mais était une forme qui était déjà contrôlée par les forces luciférières. Et lorsque l'amour a compris que l'amour était une forme contrôlée par les forces lucifériennes, par les forces qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme, par les forces qui cherchent à donner à l'homme un point d'appui sur la terre, afin de lui enlever le point d'appui dans les terres, l'homme verra que tout ce qu'il a connu dans les plus grands moments de sa vie n'était que des façons à la forme de s'introduire dans son esprit pour séparer l'esprit de l'homme de l'ego. Et c'est ce qu'a fait par le passé la forme de l'amour. Elle a séparé l'esprit de l'homme de l'ego. Et elle a donné à l'ego une raison d'être. Et l'ego ne doit pas avoir de raison d'être parce que la vie n'appartient pas à l'ego. La vie appartient à l'esprit. Et c'est seulement lorsque l'ego sera dans l'esprit qu'il aura sur la terre, sur la matière, le pouvoir de la vie. Alors, automatiquement, ce n'est pas à l'ego d'aimer. Mais l'ego aime, parce que lorsqu'il aime, il se sent bien. Lorsqu'il aime, il est dans le sentiment de l'amour. Lorsqu'il aime, il a l'impression d'aimer. Lorsqu'il aime, il a l'impression d'être aimé. L'ego n'est jamais aimé, parce qu'il n'y a pas dans l'ego de réalité. Il n'y a pas dans l'ego de réalité, et les hommes de la sixième race sauront ce que je dis, et les hommes de la sixième race comprendront ce que je dis, parce qu'il n'y a pas dans l'ego de la réalité. Alors, tout ce qui devient important pour l'ego, tout ce qui devient réel pour l'ego, n'est simplement qu'une impression placée sur l'écran de ses sentiments, sur l'écran de son astralité, pour le convaincre de l'importance de sa réalité, lorsqu'en fait, l'ego n'a aucune importance. De sorte que si nous regardons le phénomène de l'amour, si nous regardons le problème de l'amour, si nous regardons les aspects de l'amour qui sont positifs dans le monde, ces aspects servent seulement une chose. Ils servent à aider l'homme à enregistrer dans les éthers spirituels des vibrations positives, suffisamment positives, pour que lorsque l'homme meurt, il soit reçu par des entités qui sont dans l'équivalent spirituel de son esprit lorsqu'il est dans la matière. Alors, si l'homme est dans la matière et qu'il est dans l'amour, si l'homme est dans la matière et qu'il aime, si l'homme est dans la matière et qu'il fait de l'amour, lorsqu'il meurt, il est rencontré par des êtres d'amour. Mais il doit revenir dans la chair un jour pour détruire l'illusion de la forme, car le monde des esprits doit disparaître. Alors, où en est l'homme dans l'amour? Où en est l'homme dans la volonté? Où en est l'homme dans l'intelligence? Il en est seulement dans le domaine de l'expérience, de l'amour, de l'intelligence, de la volonté. Et c'est pourquoi l'homme doit renaître. Et renaître parce qu'il est dans l'expérience de l'amour, de la volonté, de l'intelligence, et que l'expérience enregistrée dans les mondes invisibles serve éventuellement à lui faire une place dans les mondes invisibles, parallèle, sympathique vibratoirement avec l'énergie où il se retrouve instantanément après la mort du mortel. Mais ce n'est pas la destinée de l'homme. Ce n'est pas la destinée de l'homme de mourir. Bien que beaucoup d'hommes meurent, la destinée de l'homme, c'est de ne pas mourir et de ne pas vivre de l'expérience de l'amour, ni de l'expérience de l'intelligence, ni de l'expérience de la volonté. Mais comment peut l'homme ne pas vivre de l'expérience de ces trois principes lorsqu'il a de l'ego? C'est pour ça que je dis, l'amour, la volonté et l'intelligence seront connus de l'homme lorsque l'homme sera totalement en dehors de l'ego, parce que ces trois principes n'appartiennent pas à l'ego. De sorte que tous ces trois principes qui ont été connus par l'homme par le passé, qui ont été amenés au niveau, au stade, au stage, à l'étape du sacré, sont en fait des formes qui diminuent le divin dans l'homme. L'homme a le choix d'être sacré ou d'être divinisé. Il y a une marge énorme entre le sacré et le divin. Le divin n'appartient pas à l'homme. Le divin s'impose à l'homme, le sacré attire l'homme, parce que l'homme est facilement hypnotisable par tout ce qui est bon. Mais tout ce qui est bon est mauvais. Tout ce qui est bon est mauvais. Parce que tout ce qui est bon est conçu, interprété, compris, institué comme étant bon par quoi? Par l'ego de l'homme. Alors, si l'ego détermine ce qui est bon comme il détermine ce qui est mauvais, comment peut-il juger parfaitement ce qui est au-dessus du bon et du mauvais? Comment l'ego peut-il se servir du bon et du mauvais pour créer une forme nouvelle? puisque les formes, qu'elles soient positives ou négatives, lorsque l'ego est désengagé de lui-même, ces deux énergies servent à la constitution et à la création des formes nouvelles, puisque dans toute création, dans toute forme, il existe toujours une polarité. L'homme a beaucoup de choses à apprendre. Et le domaine de l'amour n'est pas le plus facile à comprendre. Il n'est pas facile à comprendre parce que c'est un domaine qui est la dernière des grandes béquilles de l'humanité. L'amour est la dernière des grandes béquilles de l'humanité, c'est le dernier des grands pièges de l'homme. C'est pourquoi, à la fin du cycle, beaucoup d'hommes seront pris dans le piège de l'amour, et c'est pourquoi, à la fin du cycle, l'homme verra qu'il y a beaucoup d'hommes spirituels. Autant qu'il y aura beaucoup d'hommes opposés à la spiritualité. Et ceux qui sont spirituels et qui seront dans le piège de l'amour, de la volonté, de l'intelligence, parce qu'ils n'auront pas substitué l'esprit à l'ego, se demanderont pourquoi moi, qui étais si bon, je suis en dehors de la lumière. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas laissé pénétrer à moi la lumière qui détruit toutes les formes. Lorsque je dis que l'ego doit être désengagé du bien et du mal, lorsque l'ego doit être désengagé de l'amour, de la volonté, de l'intelligence, je parle d'une façon absolue. Je parle d'une façon qui est absolue. Et je défie tout être, matériel ou immatériel, d'entrer en contradiction avec mon esprit. Et si je donne à l'homme, par le biais de la parole, le pouvoir, la capacité d'au moins sentir ce que je dis, bien qu'il soit obligé de passer par les remous de son propre esprit pour en arriver à une égalité, à une harmonie entre l'âme et lui-même, c'est pour aider l'homme à passer plus rapidement à travers le granit du doute. Le granit du doute. Nous ne sommes plus au stage, les hommes, où nous devons être nourris. Nous ne sommes plus au stage, les hommes, où nous devons être dictés. Nous ne sommes plus au stage où des hommes doivent nous enseigner. Nous sommes au stage où nous devons savoir par nous-mêmes et reconnaître par nous-mêmes, une fois que nous avons perçu un peu l'énergie de la lumière qui entre dans notre esprit et qui permet à notre esprit de se délier et de tuer les aspects positifs qui nous lient au sentiment de l'ego. Autant je déteste le mal, autant je déteste le bien. Autant je me sers du mal, autant je me sers du bien. Je ne peux plus laisser à l'homme l'illusion de comprendre par la forme qui a servi à encapsuler son esprit. Je ne peux plus laisser à l'homme le temps d'avoir le droit de penser qu'il en est ainsi. Autrement dit, je dois devenir, par le fait qu'existe la forme, l'ennemi de la forme. Et c'est par cette expérience c'est en devenant l'ennemi de la forme. Que j'irai chercher ceux qui font partie de ce qu'on a appelé dans le passé les enfants de la lumière. L'amour est un danger parce que l'amour n'est pas. Lorsque l'amour sera, l'amour sera une puissance sur la terre, ainsi que les deux autres. Mais l'amour n'est pas, et l'homme croit que l'amour sera. L'amour sera, mais non pas dans le cycle matériel de l'homme. L'amour sera dans le cycle invisible de l'homme. Et il se manifestera d'une façon puissante dans le cycle matériel de l'homme, et après ce cycle matériel, l'amour sera encore en danger. Parce que l'amour sera dans le domaine de la magie. L'amour sera dans le domaine de l'ego hautement spiritualisé. Je parle de l'amour de l'homme avec le même mépris que je parle du mal de l'homme. Parce que l'amour de l'homme est un mal. Parce qu'il n'est pas. Il est simplement une impression. Ce n'est-il pas vrai que les philosophes souvent vont dire « Là où il y a de l'amour, il y a de la haine. » Alors, si là où il y a de l'amour, il y a de la haine, ce n'est pas de l'amour. Si l'homme peut haïr, si l'homme peut à un moment donné de sa vie haïr l'objet qu'il a aimé, il n'est pas dans l'amour, il n'a jamais été dans l'amour. Un homme qui est dans l'amour n'aime pas, il est dans l'amour. Un homme qui aime est sujet, quelque part dans le temps, à haïr. Un homme qui aime est sujet dans le temps à haïr suivant les conditions de son expérience. Un homme qui est dans l'amour n'aime, ne peut pas haïr. Puisqu'il est en dehors du bien de l'amour et du mal de l'amour. Mais les hommes vivent le bien de l'amour et le mal de l'amour, et sacrent cet amour, et l'élèvent sur un piédestal, et l'identifient avec l'amour du Christ. C'est de la bêtise totale. L'homme, dans son ego, est foncièrement stupide, parce que l'ego est foncièrement luciférien. Autrement dit, l'ego n'a pas en lui de lumière. Alors, il est foncièrement stupide. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'intelligence. Et s'il n'y a pas d'intelligence, comment voulez-vous que l'amour de l'homme soit compris? Comment voulez-vous que l'amour soit compris? Comment voulez-vous que l'homme parle d'amour? D'une façon réelle. Il ne peut pas. Alors, il parle de l'amour d'une façon qui est bien. Mais le bien de cet amour est aussi mal que le mal de la haine, puisqu'il appartient à l'ego. C'est pour ça que je dis à ceux qui aiment aujourd'hui, à ceux qui aiment spirituellement aujourd'hui, viendra un jour où vous n'aimerez plus. Et le jour où vous n'aimerez plus, vous commencerez à être dans l'amour. Mais ce sera un amour qui n'appartiendra pas à vos êtres égoïques. Ce sera un amour qui passera par vos êtres égoïques pour illuminer autour de vous l'action créative de la conscience universelle. Si vous aimez aujourd'hui, vous êtes autant dans le mal que celui qui haït. Mais c'est un mal qui est différent parce que c'est un mal qui vous rapproche des mondes spirituels positifs au lieu de vous amener dans les mondes spirituels négatifs après la mort du corps matériel. Alors, soyez avisés. soyez avisés. Mais on ne discute pas ce que je dis. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais un jour on doit vivre ce que je dis. Et c'est lorsqu'on vit ce que je dis que l'on comprend ce que je dis. Lorsque je dis que l'amour sur la terre aujourd'hui est un piège qui sert dans tout, qui sert dans la politique, qui sert dans la sociologie, qui sert dans tout, qui sert à rassembler les hommes, qui sert à universaliser des hommes, qui sert à déformer les hommes en tant qu'individus, qui sert à séparer l'enfant de la famille, le mari de la femme, pour les marier à l'État, comme nous trouvons dans les pays socialistes ou communistes. Ça va loin, le bien de l'amour. Ça va très loin. Les subtilités de la forme, les subtilités du mensonge sont très grandes et sont trop subtiles pour l'ego, mais sont très voyantes pour l'âme. Est-ce que l'on ne dit pas en Russie, c'est le bien du peuple qui vient avant ton bien? C'est une interprétation de l'amour, de l'homme pour l'homme. Un jour, vous aimez votre mari, puis l'autre jour, ça marche pas, vous l'aimez plus. Et vous me parlez d'amour. Un jour, vous rirez de vous-même. Mais on n'entre pas dans l'amour par désir. On doit le souffrir. Heureusement qu'on doit le souffrir. Heureusement que la conscience pénétrant dans l'homme amène dans l'homme de la souffrance. Heureusement. Parce que s'il n'en était pas ainsi, ce serait trop facile pour l'homme de déformer ce qui se passe en lui et de donner une valeur quelconque à ce qui se passe en lui, et la valeur qu'il donnerait, ce serait une valeur spirituelle. Ceux qui entreront dans l'énergie de la lumière devront souffrir cette énergie. C'est bon qu'il en soit ainsi. Parce que tout ce qui vient de l'universel ne doit pas appartenir à l'ego. Ne peut pas appartenir à l'ego. S'il appartenait à l'ego, il ne serait plus universel. Il serait coloré par l'ego, il serait coloré par les sentiments de l'ego, que ce soit l'intelligence, la volonté ou l'amour, il serait coloré. Alors l'ego doit être mis de côté. Et c'est ce que fait l'énergie de ces principes. Lorsqu'il pénètre dans l'homme, il lui donne la conscience de l'intelligence, de l'amour et de la volonté. Je me fous de votre amour. Je me fous royalement et totalement de votre amour. En ce qui vous concerne. L'amour doit aller de pair avec l'intelligence et la volonté. L'amour seul ne peut pas vivre. L'amour seul ne peut pas se manifester sur une planète. Elle doit se manifester en accord avec les deux autres principes, puisque ce qui est un est trois et ce qui est trois est un. Alors, un homme qui n'est pas dans l'intelligence ne peut pas être dans l'amour, pas plus qu'il ne peut être dans la volonté. C'est une illusion. C'est une illusion. Et lorsque vous aurez mis les pieds dans l'amour, lorsque l'amour sera descendu en vous, lorsque l'amour sera relié à votre ego par le biais de l'âme, sans que votre ego en soit conscient, au niveau de la réflexion, vous serez automatiquement dans l'intelligence et dans la volonté. Les deux viendront en vous ensemble. Les deux. Nous autres. Vous ne pouvez pas avoir l'amour sans intelligence et sans volonté. C'est pourquoi il vous est donné une longue période devant vous, une génération, pour en arriver à vivre des trois principes d'une seule façon. Et la seule façon, c'est la façon de l'esprit, et non la façon de l'ego. C'est pour ça que ceux qui ont cherché par le biais de l'intuition, de l'intelligence intuitive à construire dans la matière n'ont pas été capables. Ceux qui ont cherché par le biais de l'amour spirituel de créer dans la matière des liens spirituels ont vu que ces liens éventuellement s'effritent parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin de volonté pour détruire l'emprise des émotions sur le caractère de leur nature. Les trois principes vont ensemble. L'homme n'institue rien. L'homme n'institue rien. Tout est déjà institué. L'homme doit vivre l'institution de la création en lui et comprendre les lois de cette création en relation avec son esprit, en relation avec le feu qui est en lui et qui allume les parties solide, dense de sa réalité matérielle. Si je vous mets aujourd'hui en garde contre l'amour, je le fais dans une intention qui est sujette à créer chez vous des mouvements de l'âme dans votre ego. Je dois bouleverser parce qu'un sol doit être bouleversé avant qu'on ne plante une nouvelle graine. Et comme ce que je dis est parfait, un jour vous comprendrez ce que je dis parfaitement. Vous le saurez par vous-même, mais vous aurez par vous-même étranglé en vous la forme de votre amour. L'homme doit devenir meurtrier. L'homme doit tuer en lui la forme. Parce que c'est lorsqu'il a la volonté et l'intelligence pour tuer en lui la forme de l'amour qu'il entre dans l'aspect réel de sa vibration, qu'il entre dans le rayonnement de son âme et qu'il s'harmonise avec le rayon de la création qui fait partie des activités occultes de la race nouvelle. On ne peut pas aller chercher dans la vie ce que l'on veut. On doit éliminer dans la vie ce qui nous nuit pour que vienne dans notre vie ce qui doit être là. Mais l'ego veut toujours organiser la vie selon son désir personnel. Ce n'est pas comme ça que viendra à vous l'énergie de la vie. Et dans le domaine de l'amour, l'énergie de la vie est puissante. Et lorsqu'elle pénètre dans l'homme et qu'elle se fait savoir à l'homme, l'homme avance très rapidement parce que déjà, lorsqu'entre en lui l'amour, la première réaction en lui est l'exécution de sa volonté. Et la troisième réaction en lui est l'entendement par son intelligence de cette exécution. De sorte que l'amour est la sœur du frère qui engendre les parents. Lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est vécue en dehors de l'ego, lorsqu'un homme a compris, a finalement compris qu'il n'y a pas en lui d'amour, il a finalement compris qu'il y a en lui de la volonté, et il a finalement réalisé qu'il y a en lui de l'intelligence. Un grand pas dans l'évolution de l'humanité. Mais pour que l'homme commence à comprendre qu'il n'y a pas en lui d'amour, même s'il y a en lui du sentiment d'amour, c'est une expérience véritable, c'est une expérience totale, et c'est une expérience qui définit parfaitement l'homme en relation avec sa centricité, son être, et qui le libère totalement des liens extérieurs et qui font de lui un individu. L'amour aujourd'hui dans le monde est devenu une plateforme pour l'exécution de toutes sortes de formes qui cherchent à annexer l'homme à une abstraction que l'on appelle la société moderne. On invoque l'amour à tous les niveaux, de toutes les façons, pour socialiser l'homme, pour uniformiser l'homme. 12 012, faut se parler, c'est une forme d'amour socialisante, qui n'est pas réelle. Faut se parler de quoi? La bière Molson? Qui s'est gagné la dernière game des Canadiens? Faut se parler de quoi? L'homme ne peut pas parler, l'homme ne sait pas parler, puisque l'homme n'a pas d'intelligence. Alors on se parle de ce qui est dit, on se parle des opinions qui sont émises pour maintenir toujours l'individu dans une forme matérielle puissante qui lui fait croire que l'amour commence dans le monde. L'amour ne commence pas dans le monde, il n'y en a pas. Puis plus ça va, moins il y en a. Puis plus on parle fort, plus on parle mal. Pourquoi? Plus on parle fort, plus on parle mal. Parce que plus la volonté descend, plus la volonté déforme la forme pour que passe la vibration. Alors, dans un simple geste, on voit déjà l'action de la volonté, qui déforme la forme du bien par les Français, pour ramener la forme dans la rue, parce que l'homme vit dans la rue, et c'est dans la rue que l'homme comprend le plus l'illusion. Les forces qui retardent l'évolution de l'homme sont puissantes. Ils se serviront de toutes les formes possibles pour faire croire à l'homme qu'il y a dans le monde de plus en plus d'amour. Et l'homme non averti croira qu'il en est ainsi. Cessera un peu de s'agiter lorsqu'en fait, il y a raison pour l'homme d'aujourd'hui d'être grandement agité. Or, si je vous dis que votre spiritualité amoureuse ou que votre amour spirituel est un mal, je le dis aujourd'hui pour que demain vous compreniez qu'il en est ainsi. On m'a demandé, avant d'entrer dans la salle, de parler de l'amour, et j'ai accepté de parler de l'amour parce que je crois que le temps est venu de parler de l'amour. Mais je dois parler de l'amour d'une façon qui est précise et une façon qui ne laisse pas de porte ouverte. La conscientisation de l'homme doit détruire en lui l'amour qu'il connaît. Parce que l'amour qu'il connaît appartient à son ego, flatte son ego. Je connais des hommes qui sont tellement dans l'amour spirituel qu'ils en sont devenus orgueilleux. Ils sont tellement spirituels dans leur amour que le moindre choc, que la moindre contravention avec d'autres êtres, même dans la famille, au niveau du mari et de la femme, crée une tension entre les deux, parce que un est plus dans l'amour spirituel que l'autre. C'est de la merde. De la grosse merde. L'amour est un piège pour l'homme. Parce qu'il détruit sa volonté. C'est pourquoi ce n'est pas de l'amour. L'amour rend l'homme faible, affaiblit l'homme. Pourquoi les êtres spirituels sont ceux qui, dans le monde aujourd'hui, sont les plus dénués de l'abondance matérielle? Pourquoi ce sont les êtres opprobres qui ont le pouvoir dans le monde? Pourquoi ce sont les puissants opprobres qui ont droit à l'abondance? Lorsque les masses spirituelles, spiritualisées, vivent dans la crasse. Parce que l'amour affaiblit la volonté dans l'homme. Et le philosophe allemand Nietzsche a été un des premiers philosophes contemporains à voir le danger de cet amour, mais il n'avait pas la perfection dans son esprit, de sorte que sa compréhension des choses intérieures est devenue la nourriture du mouvement nazi. La ligne de démarcation entre le réel et l'irréel est invisible aux yeux de l'ego. Je vous le dis, elle est invisible aux yeux de l'ego. L'ego ne peut pas voir. L'ego ne peut pas discerner. L'ego ne peut pas comprendre. Parce qu'il n'y a dans l'ego que des ombres et des voiles qui servent à la glorification de son intelligence philosophique. C'est pourquoi l'ego est malheureux. Toute la vie, il est malheureux, quelle que soit l'abondance autour de lui, il est malheureux. Parce que sa réalité n'est pas pleine, parce que lui-même n'est pas vide. Et lorsque je dis que l'ego ne peut pas voir, je dis ce que je dis. Or, s'il y a une forme provient de l'amour spirituel, qui empêche l'ego de voir, il faut que cette forme soit détruite. Et ce n'est pas moi qui le ferai. Puisque je n'enseigne pas l'homme, puisque je ne suis pas un maître, c'est vous qui le vivrez, la destruction de cette forme. Je suis la flamme qui brûle le cordon, qui mène au galon de gasoline. L'amour de l'homme est tellement inconsistant avec la réalité que si l'homme aujourd'hui continuait à aimer tel qu'il aime, l'homme éventuellement détruirait la planète. Parce que l'amour devient facilement haine. Très facilement haine. Regardez entre les nations. Il y a l'amour une minute entre la Russie et les Américains, et l'autre minute, c'est la haine. Sujet à un incident politique. L'homme n'a aucune sécurité dans l'amour qu'il croit connaître. Et je sais que l'homme de demain sera obligé de renier l'amour, comme il sera obligé de renier l'intelligence, ce qui est déjà commencé, comme il sera obligé de renier la volonté, c'est-à-dire le libre arbitre. L'ego est vaniteux. Il est vaniteux de tout. Autant il peut être vaniteux d'amour, il peut être vaniteux d'intelligence et de volonté. L'ego est vaniteux de tout. Et pourtant, il veut tout, l'ego. Il veut la conscience, il veut l'immortalité, il veut ci, il veut ça. Les choses ne vont pas ainsi. Heureusement, alors l'amour que vous avez, ce n'est pas de l'amour. De la mauvaise haleine. Et vous savez, lorsque l'on a de la mauvaise haleine, souvent on ne le sent pas. Mais ce sont les voisins qui se détournent le visage. À moins qu'eux aussi aient la mauvaise haleine. Nous ne pouvons plus parler sans avancer dans la compréhension de ce qui ne se comprend pas par l'intelligence. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Tout ce que nous touchons avec l'esprit doit servir à faire vibrer l'homme. Pour qu'il se crée en l'homme, un mouvement d'énergie afin que se multiplient de plus en plus les remous. Et que l'âme puisse enfin s'installer d'une façon confortable dans l'ego. Pour que l'ego puisse finalement commencer à comprendre. C'est pourquoi il nous est nécessaire de bien comprendre l'amour. Lorsque je dis qu'il n'y a pas d'amour sur la terre, je l'entends d'une façon qui n'est pas de votre entendement. Je prends M. Bessette, qui est un être, un homme spirituel. Il ne connaît pas l'amour. Pourtant, c'est un être spirituel. Il commence à le sentir. Il commence. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas d'ego spirituel. Je prends elle comme exemple. Elle ne connaît pas l'amour. Elle connaît le sentiment de l'amour, la jubilation de l'amour. L'expression spirituelle de l'amour, la qualité positive de l'amour. Si je vivais l'initiation avec vous de façon individuelle, je vous ferais reconnaître que vous ne comprenez pas et que vous ne connaissez pas l'amour. C'est pour ça que j'explique l'amour aujourd'hui, pour faire comprendre que l'amour n'est pas de l'homme, n'est pas de l'ego de l'homme. Que l'amour rendu dans l'homme est coloré par les sentiments de l'homme. Parce que dans le cosmique, l'amour et la colère sont la même chose. La colère. La haine. La colère. Un homme qui est dans l'amour cosmique a le pouvoir aussi de la colère. Mais l'homme qui regarde l'homme dans la colère ne voit pas en lui d'amour parce qu'il ne sent pas l'intelligence de la colère. Alors, si Bessette ne connaît pas encore l'amour, beaucoup d'hommes sur la terre ne connaissent pas encore l'amour. Je prends Bessette parce que j'aime ça prendre Bessette. Ça travaille sur Bessette. Ça fait vibrer Bessette. Ça le met sur le spot. On fait toujours vibrer ce qu'on aime. Alors, c'est un point important. L'amour spirituel, c'est un poison. Et je le dis aux gens spirituels. L'amour spirituel, c'est un poison. Et c'est difficile pour l'homme de voir ces choses. C'est pourquoi ces choses ne peuvent pas être dites à des gens qui ne sont pas dans une position suffisamment sensible pour comprendre au-delà de l'intellect. Et si je dis que l'amour spirituel est un poison, c'est parce que le temps vient où tout sera détruit dans la forme, où le sacré sera totalement déplacé de son pivot, parce que nous avons énormément de choses à comprendre. Et nous ne pouvons pas comprendre certaines choses avant que d'autres choses soient comprises. Et l'amour, l'illusion de l'amour, dans toutes ses formes, l'amour qu'a connu l'homme, l'amour de l'homme, doit être compris comme étant un poison. Un poison qui sert. Un poison qui sert à vous lier les uns aux autres. Un poisson. C'est ça, c'est un poisson. Un poison. Qui vous permet de vivre ensemble, qui vous permet de vous attirer ensemble. La fonction de l'amour humain, c'est d'attirer les hommes ensemble. La fonction de l'amour cosmique, c'est de les séparer. Rappelez-vous. Et quand je dis séparer au niveau de l'ego, mais unis dans l'esprit. Les hommes et les femmes seront séparés dans l'ego, mais unis dans l'esprit. Pour que l'homme et la femme deviennent autonomes et non l'esclave l'un de l'autre. Et l'amour universel sépare, mais elle unit dans l'esprit. C'est pour ça que je dis, dans vos unions humaines, dans vos alliances humaines, ne laissez pas l'amour spirituel vous séparer. Tenez-vous ensemble. Comprenez les illusions de la forme pour que lorsque cet amour universel descende en force, elle vous unisse en esprit, vous sépare au niveau de l'ego sans créer la rupture dans vos liens physiques. Si vous n'avez plus d'amour humain pour vous tenir ensemble sur le plan matériel, il faut que vous ayez un autre amour pour vous tenir ensemble dans l'esprit qui unit dans le matériel. Et ça, c'est une des épreuves de l'homme qui vivra de l'amour cosmique. Parce qu'il se sentira plein en lui. Elle se sentira pleine en elle-même, et selon la plénitude de ces deux êtres, l'ego ne devra pas faire interférence, parce que l'amour, la volonté et l'intelligence, donnant à l'homme l'individualité totale, les unit dans l'esprit pour les séparer dans le matériel. Les séparer dans le sens que la forme ne sert plus à les unir. Mais s'ils sont unis dans l'esprit, ils n'ont plus besoin de forme pour cohabiter ensemble. Nuance. Grande nuance. Lorsque j'avertissais les couples et que je disais, si vous avez été unis dans le passé par la passion de vos sentiments et qu'un jour on vous retire l'énergie de ce sentiment et que vous ne comprenez pas qu'il y a en vous de l'esprit qui agit, vos égos seront pris dans la trappe de vos sentiments, et vous ne reverrez plus dans votre femme l'attrait d'auparavant, et elle ne verra plus dans l'attrait de l'homme ce qu'il a fait auparavant vibrer, et vous ferez l'erreur de la séparation, pour des raisons qui ne sont pas réelles. Lorsque l'amour universel s'installe, il s'installe dans l'esprit de l'homme, il ne s'installe pas dans les sentiments de l'homme. Et si l'homme n'a besoin des sentiments pour vivre avec sa compagne, un jour cet amour détruira ses sentiments et l'homme, dans son ego ignorant, subira la défaite du cosmique dans l'homme. C'est ça que je veux faire comprendre. Afin que les gens puissent avancer vers l'universel, vers la puissance de l'universel, sans perdre ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont construit dans l'ignorance auparavant. L'homme de la sixième race sera sujet et assujetti à de nombreux tests. Il sera assujetti à de nombreux tests. Votre vie commence. Beaucoup de choses se passent dans une génération d'hommes. Mais remarquez toujours que je vous parle pour demain. Si je confronte aujourd'hui la forme de l'amour, c'est pour faciliter le passage de l'homme vers la conscience de l'amour, sans que son ego en soit affecté à un point tel que son esprit soit troublé. Mais si je dis qu'aujourd'hui l'amour que vous avez est un poison, je le dis d'une façon réelle, mais un jour, vous le reconnaîtrez tel qu'il est. On ne peut pas comprendre une parole au vol. Elle doit atterrir et mûrir. Surtout des paroles qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus cher, à ce qui est conçu comme étant le plus grandiose dans l'esprit de l'homme. La lumière n'a pas de borne. La lumière n'a pas de borne. Je sais ce que je dis. Et tout en vous qui est une limite sera détruit par la lumière. Que ce soit de l'amour, de la haine, que ce soit ci ou ça, tout ce qui en vous est une limite sera détruit par la lumière, parce que l'ego doit être vide. Le mental inférieur de l'homme doit être transmuté dans une intelligence supérieure. L'homme doit comprendre par des moyens qui ne sont pas de lui. L'homme doit comprendre dans un instantané et non par réflexion. Donc la réflexion doit être détruite. Parce que la réflexion aide à maintenir dans l'esprit de l'homme le sentiment de l'amour. La réflexion est un moyen de l'ego de perpétrer dans l'esprit de l'homme les formes, de maintenir en pulsation les formes pendant des siècles et des siècles et des générations d'hommes, et même des époques. C'est pourquoi il n'y a rien de plus difficile dans l'expérience de l'ego que la réalisation. Je ne parle pas de la réalisation des hindous. Je parle de la réalisation dans le sens que je le parle. Les hindous ont aussi à réaliser la nature de leur réalisation. Si l'homme ne sent pas d'amour, si l'homme ne sent pas en lui le sentiment de l'amour, il se sent inquiet. Parce que ce sentiment d'amour lui donne une sécurité. Mais l'homme doit être capable de vivre totalement sa solitude. L'homme doit être capable de savoir que s'il n'y a pas de sentiment d'amour, c'est qu'il y a autre chose qui est en germination. Et beaucoup d'entre vous, sur le plan des alliances, sentiront à un moment donné que peut-être elle ne m'aime plus ou qu'il ne m'aime pas. Ce sera une illusion de votre ego. C'est pour ça que si il vous dit ou elle vous le dit qu'il est dans un changement de vibration, qu'elle n'a pas la vibration, elle vous dit quelque chose ou il vous dit quelque chose, ce n'est pas à votre ego de substituer ce qu'il ou qu'elle vous dit pour le réconfort qu'il cherche. Si vous cherchez l'amour dans les hommes, vous le perdrez, parce qu'il n'y en a pas. Un homme qui doit vivre d'amour est un homme faible. Un homme doit vivre d'intelligence. Et non d'amour. Un point vital que je cherche à exprimer. L'homme doit vivre d'intelligence parce que l'intelligence est la manifestation du principe qui organise la vie. Lorsque l'homme vit d'intelligence, il vit de tout ce qu'il a de besoin. L'amour dans l'homme ne sert qu'à protéger la planète. Et la volonté dans l'homme sert à créer les conditions nécessaires pour cette protection. Alors, l'amour de l'homme, vivre d'amour, comme des millions d'êtres sur la Terre vivre d'amour, est l'instance même de la perdition de la planète. L'homme doit vivre d'intelligence, parce que l'homme est éventuellement dans l'intelligence. L'amour doit servir simplement à protéger le domaine de son évolution, que ce soit le domaine matériel ou que ce soit sur les plans de la lumière de l'éther. On ne vit pas d'amour. C'est une illusion de l'homme. On n'a jamais compris ce que disait celui qui est venu. Mais ce sera compris. Vivre d'amour est évidemment un bon substitut dans un monde qui est carrément anti-individu, anti-conscience. C'est une protection psychologique que se donne l'ego pour se façonner une capsule dans laquelle, ou avec laquelle, ou par laquelle il peut plus supporter le mal qui affronte son esprit. C'est la seule fonction. Mais c'est une fonction qui est facilement amenable à la désillusion, à la perte de ce que l'on a. Combien d'êtres spirituels ont tout perdu parce qu'ils aimaient? Combien d'êtres spirituels sont devenus pauvres parce qu'ils aimaient? Combien d'êtres spirituels ont regretté ce qu'ils ont fait auparavant parce qu'ils aimaient? Ça va loin, l'illusion de l'amour. Un homme qui est dans l'amour ne peut pas perdre ce qu'il a. Il peut donner de ce qu'il a, mais il ne peut pas perdre ce qu'il a donné. Si vous perdez ce que vous avez donné, c'est parce qu'il a été mal donné. Il ne vous servira que dans le monde des esprits après la mort. Comme disaient les anciens, on se construit une belle place l'autre bord. Continuez à vous construire une belle place l'autre bord. Mais vous ne serez pas ici. Puis vous serez obligé de revenir ici anyway. Si l'homme donne, lorsque l'homme donne, il doit donner avec intelligence. On ne donne jamais par amour quand on est conscient. On donne par amour quand on est inconscient et on perd ce qu'on a donné. Parce que l'amour et l'intelligence doivent aller de pair. C'est pour ça qu'existe sur la terre la charité. Et tant qu'il y aura de la charité sur la terre, il y aura des pauvres. Parce que l'amour crée la pauvreté. Et ça va loin. Ça va jusque dans la socialisation des systèmes politiques, de l'aide aux pauvres. Il y a des êtres qui bénéficient d'une façon intelligente de ce système. Mais il y a des êtres qui ne bénéficient pas de ce système. Lorsque nous parlons d'amour, que nous parlons d'intelligence, que nous parlons de volonté, nous parlons toujours de choses que nous ne comprenons pas et nous ne pouvons jamais comprendre les lois cosmiques, les lois de la vibration qui engendrent sur un plan matériel une forme quelconque de discontinuité avec ces principes éternels. C'est terrible ce que fait l'amour, ce que fait la volonté, ce que fait l'intelligence dans une civilisation. C'est terrible. C'est terrible. Lorsque cet amour, cette volonté et cette intelligence ne sont pas en harmonie avec les principes universels, d'où ils puisent leur origine. C'est pourquoi des civilisations, après un certain temps, doivent être détruites. Regardez l'intelligence aujourd'hui, ce qu'elle fait dans le monde. Regardez l'amour, ce qu'il fait sur le plan politique. Regardez la volonté, ce qu'elle fait dans les systèmes dictatoriaux. Parce qu'elle n'est pas engendrée dans l'esprit, mais elle est le produit d'une convoitise des sens, d'une passion de l'ego, et d'une recherche constante de l'ego de changer son environnement. L'ego n'a pas à changer son environnement, puisque l'intelligence, la volonté et l'amour sont des principes universels qui créent constamment des formes nouvelles. On ne change pas le monde, on le détruit pour en créer un autre. Mais les hommes veulent changer le monde en se servant de l'amour, de la volonté ou de l'intelligence. Et ils ont créé ce que nous vivons aujourd'hui. Des dictatures, des technocraties et des mouvements spirituels à n'en plus finir. C'est pourquoi la conscience est une chose unique qui appartient à l'homme unique et qui sera vécue par l'homme unique et non pas d'une façon démocratique et mondiale telle qu'on le conçoit. Un homme qui a commencé à comprendre l'illusion de l'amour spirituel commence déjà à développer en lui, à vivre en lui, l'intelligence. Et on le voit parce qu'il devient froid. Et l'observateur qui le voit le réalise comme sans cœur. On dit de lui, il est sans cœur. Effectivement, avant, il n'avait pas de colonne. Maintenant qu'il a une colonne, il est sans cœur. Ce n'est plus qu'il est sans cœur, c'est qu'il est dans l'intelligence. Et l'intelligence n'a pas de cœur. Elle est froide. Elle est en puissance. Et elle meut tout autour de soi. L'intelligence n'appartient pas à l'homme, elle passe dans l'homme. Construit, détruit, réorganise, transmute et donne à l'homme un corps nouveau, dans des conditions nouvelles. Pourquoi ce seraient les êtres spirituels qui souffriraient le plus sur la terre? Pourquoi? Parce que ce sont eux qui comprennent le moins la nature de l'intelligence et qui sentent le plus la nature de l'amour. C'est pourquoi je dis l'amour sans intelligence est un amour humain et l'amour dans l'intelligence est cosmique, froid, créatif, puissant, riche, abondant. Un homme qui aime, un homme intelligent, un homme qui a de la volonté, devient riche en intelligence, devient riche en matériel, devient riche en amour, riche en amis, riche en volonté, riche en capacité d'exécuter sur le plan matériel sa destinée telle qu'il la voit. Alors, si les hommes aujourd'hui sont pauvres, et si les hommes aujourd'hui ne sont plus intelligents, c'est parce qu'ils ne sont plus dans l'amour, dans l'intelligence et dans la volonté. C'est pourquoi celui qui sera reconnu dans les temps comme le pont entre l'homme et la lumière érigera entre l'homme de la nouvelle race et l'homme de l'ancienne un mur qui ne pourra être franchi. Parce que les conditions de l'ego liées à l'amour, l'intelligence et la volonté seront tellement particulières, seront tellement identiques à la vibration de l'âme, seront tellement dénués de tout sentiment que ces hommes ne pourront plus plaire à l'homme. Et lorsque l'homme ne peut plus plaire à l'homme, il est dans la complaisance de son esprit. Lorsque l'homme ne peut plus plaire à l'homme, il est dans la complaisance de son esprit. Et s'il plaît à l'homme, c'est parce qu'il est dans l'intelligence, l'amour et la volonté, et que ces trois principes, dans l'instantané de sa réunion avec l'homme, lui permet d'élever la vibration de l'homme. Et c'est la seule raison qui crée en lui un lien d'amitié. Or, si l'homme de demain rencontre l'homme d'aujourd'hui, il peut ou ne peut pas établir avec lui le lien suivant l'intelligence, la volonté et l'amour, et non suivant les bons sentiments de ce dernier. Puisque la volonté, l'intelligence et l'amour sont les principes qui recherchent dans le monde ceux qui ont la capacité de subir la pénétration de la lumière, et non ceux qui ont le grand désir d'achever leur jour dans la plénitude spirituelle du nirvana. Alors un jour, vous saurez vous dénirvaniser. Un jour, vous deviendrez fatigué de l'ancien vous-même. Et vous regarderez derrière vous et vous n'aurez plus la mémoire de ce que vous étiez. Vous n'aurez plus la mémoire de ce que vous étiez. Parce qu'on a seulement la mémoire de nos bêtises. On a seulement la mémoire de nos bêtises. L'homme croit qu'il a le droit d'aimer. L'homme croit qu'il a le droit d'aimer. Ce n'est pas un droit, l'amour, c'est un pouvoir. On croit qu'on a le droit d'aimer, on croit qu'on a le droit d'être aimé. Et on construit autour de ce droit. Quelque chose qui nous fait plaisir. Mais on en souffre aussi. Ceux qui aiment dans l'ego souffrent à un certain moment de leur vie dans l'ego. Si vous avez une femme que vous avez aimée et que vous la perdez, cette femme, vous souffrez dans l'ego. Si elle meurt, vous souffrez dans l'ego. Si elle va vers un autre homme, vous souffrez dans l'ego parce que votre amour est un amour égoïque. Si votre amour était de l'esprit, si votre amour n'appartenait pas à votre ego, vous ne souffririez pas du départ de la femme pour un monde inconnu ou pour un monde matériel autre. Ainsi, l'amour crée la possession. Et tous les hommes qui aiment, que ce soit spirituel ou que ce soit simplement passionnel, possèdent l'objet de leur amour. Et un homme qui me dit qu'il aime sa femme mais qu'il ne la possède pas, c'est un homme qui ne comprend pas les illusions de sa possession. et de son amour. Mais qu'il se tourne un jour et qu'il voit sa femme assise avec un autre homme dans un café, il verra qu'il y a en lui une vibration. Il verra effectivement qu'il veut la posséder. Et on ne peut pas posséder un être. C'est pourquoi qu'on ne peut pas aimer un être. Et un jour, vous comprendrez que vous ne pouvez pas aimer votre mari et que votre femme ne peut pas vous aimer. Et lorsque vous aurez compris ceci, vous comprendrez ce que je dis depuis longtemps lorsque je dis que lorsque on est conscient, on est dans l'amour, mais qu'on ne peut pas aimer. De sorte que tant que vous aimerez ceux avec qui vous êtes en évolution, vous ne serez pas dans l'amour. Ce sera un amour humain, possessif, un amour lié à vos sens, mais un amour qui n'est pas éternel. Ceci ne veut pas dire de laisser tomber votre femme. Ceci vous sert à vous faire comprendre la différence entre l'amour universel et l'amour humain. Ces choses viennent lentement avec le temps, parce que l'ego ne peut pas tomber d'un niveau d'amour à un état d'amour. Sans cela, il serait en dépression, puisque son émotif doit être nourri par l'astralité de sa conscience. Mais ce jour doit venir, parce qu'il fait partie de la perfection de la conscience de l'homme. Mais il est bon que vous compreniez que l'homme ne peut pas aimer. C'est impossible d'aimer. Probablement la plus grande révélation qui n'a jamais été faite à la planète. Parce qu'elle est impossible dans la conscience de l'homme. Et comme j'ai déjà dit, l'homme un jour doit vivre de l'impossible pour comprendre l'infinité de la conscience. Et ce n'est que dans l'infinité de la conscience que l'homme réalise l'infinité de son savoir, de son pouvoir, de son amour. Et c'est à ce moment-là que l'homme n'appartient plus à la race de l'homme. Je ne condamne pas l'amour de l'homme. Puisque je ne condamne rien. Je veux simplement montrer qu'il est limité et qu'il limite l'homme. Qu'il le garde dans la tanière de ses sentiments. Si un jour vous vous apercevez que vous n'aimez plus votre mari et que votre mari ne vous aime plus de la façon dont il vous aimait, c'est qu'il y a en vous une nouvelle énergie. Et c'est à votre ego de ne pas s'inquiéter, de ne pas prendre panique, de ne pas revenir en arrière, mais de continuer vers l'avant. Et je dis bien de ne pas revenir en arrière, de ne pas interpréter le nom amour humain, puisque ce dernier est remplacé par une vibration du principe de l'amour universel. D'ailleurs, tout ce dont vous êtes attaché vous sera enlevé. Parce que on ne peut rien posséder dans la vie. Mais quand je dis que tout vous sera enlevé, je ne veux pas dire que tous les biens matériels vous seront enlevés. Je veux dire que vous serez de plus en plus détaché vibratoirement des biens matériels. Ce ne sera pas vous qui vous détacherez de vos biens matériels, ce sont les forces qui vous rendront qui vous immuniseront astralement, qui transmuteront votre corps de désir, qui le réduiront à rien. Lorsque vous n'aurez plus de corps de désir, vous ne posséderez plus rien, même si vous avez beaucoup de choses. Tant que l'homme souffre de l'amour, il souffre de lui-même. Et souffrir d'amour est une perte d'énergie, parce que lorsque l'on souffre d'amour, on perd l'énergie de notre volonté et de notre intelligence. Ces trois principes sont toujours en action, l'une avec l'autre. C'est pourquoi, si vous êtes trop spirituel dans votre amour, vous serez amené avec le temps, s'il en est votre cas, à une confrontation entre vous-même et le monde extérieur à vous-même pour que se développe en vous une identité, une perte de vos sentiments qui vous enlève la force de votre volonté et qui voile votre intelligence. Vous ne pourrez plus vivre deux vies. Vous ne pourrez plus vivre la vie de l'adepte spirituel. Vous serez forcé de vivre la vie qui est une émanation de l'énergie et qui fait de l'homme une entité totale, autonome, maître de lui-même, incapable de substituer un amour pour un autre. C'est pourquoi, lorsque l'homme ne peut plus aimer, il commence à être seul. Et une des grandes déclarations de ce dialogue sur l'amour, c'est que lorsque l'homme cesse d'aimer, cesse de pouvoir aimer, il commence à vivre la grande solitude. Et c'est lorsqu'il commence à vivre la grande solitude, il commence à développer la grande intelligence de sa solitude et à vivre l'énergie de la conscience qui descend et qui s'accumule dans ses centres pour faire exploser l'ego et redonner à l'ego le poli de l'esprit. Pourquoi je dis que l'amour est un poison? Parce que l'amour empêche l'homme de vivre sa grande solitude. L'amour, l'homme accote son coude sur l'épaule de sa compagne. L'homme vit dans ce que j'appelle les ténèbres de l'union. Et les ténèbres de l'union sont à la base même de la constitution politique, tribale, sociale, sociologique des races de la planète Terre. Et l'homme, un jour, devra totalement être libre de ses forces pour entrer seul dans la lumière de l'éther et travailler en relation avec les forces créatives du cosmos. C'est pourquoi aujourd'hui, je commence à déranger les fondations de l'amour. Je commence à déranger les fondations du pilier du temple. Parce que le temple de l'amour doit être déplacé et élevé de terre, afin que ceux qui marchent dessous soient écrasés dans les sentiments qu'ils ont mis dans la construction de ce temple. Je dis ce que je dis. Je vous assure. Qu'un jour, vous ne pourrez plus aimer. Et je vous assure que lorsque vous ne pourrez plus aimer, vous saurez ce qu'est l'amour. Parce que ce qui aura constitué pour vous la valeur de l'amour aura été brûlé dans le feu de votre esprit. Et vous serez grand dans votre esprit. C'est pourquoi je dis, je ne condamne pas l'amour. Ceux qui vivent un très bel amour sur le plan matériel, ceux en qui l'amour engendre par toutes les parois de leur être une vibration particulière, telle cette femme. Perçoivent, sans le savoir, la notion infinie de l'amour. Mais la notion infinie de l'amour ne peut pas être comprise par vibration. Elle ne peut être comprise par les sentiments. Et c'est pourquoi ces sentiments font de ces êtres des êtres plaisants, extrêmement chaleureux. Mais sujet à la grande peine, si pour une raison ou une autre, cet amour dans la vie serait retiré de leur expérience, ce qui n'est pas votre cas. Je veux dire qu'il y a tellement de mystères dans l'amour. Qu'il y a tellement d'infinité dans l'amour. Qu'il y a tellement d'aspects incompréhensibles dans l'amour, que l'amour ne peut pas être compris et vécu par l'homme tant qu'il n'est pas centré sur son âme. Un homme qui vit dans l'amour de l'universel et qui n'est pas centré dans son âme devient fou de cet amour, meurt de cet amour, détruit sa vie matérielle de cet amour. Et nous connaissons des gens qui, par amour, se sont suicidés. L'amour est un pouvoir, est une puissance, et les corps de l'homme doivent être ajustés pour qu'il puisse comprendre, par son intelligence ajustée, la puissance de l'action de l'amour dans la vie, afin que ne se réfléchisse pas dans son expérience matérielle un sentiment quelconque de cet amour, lorsque des changements dans la vie se font sentir et séparent l'être de celui ou de ceux qu'il a aimé. C'est pourquoi l'homme doit être conscientisé avant de pouvoir aimer. C'est pourquoi l'homme doit être conscientisé avant de pouvoir se servir de l'intelligence et de la volonté. Parce que ce sont des forces infinies, parfaites, qui accueillent l'homme à tous les niveaux de son expérience et remplissent l'homme dans toute son expérience. Quel que soit la qualité de sa vie. Que l'homme soit petit ou qu'il soit grand, cela n'importe peu. C'est pourquoi l'homme doit comprendre, lorsque je dis que l'amour de l'homme, l'amour humain, l'amour de la passion ou l'amour du sentiment spirituel, est une fondation qui doit être et sera éventuellement détruite. Aucune pierre ne demeurera de cet édifice. Parce que pour qu'un temple soit érigé, il faut que l'autre soit détruit, parce qu'il en est ainsi. La loi demande qu'un jour nouveau balaye de la mémoire de l'homme le jour qui est venu avant. C'est pourquoi l'homme qui sera dans la conscience formera, par le fait même des choses, une société anonyme et quand je dis une société anonyme, je dis un corps dont les cellules vivantes sauront se reconnaître sans que ce corps ne crée de remous dans la société. Il n'y a plus de secret pour l'homme. Et lorsqu'il n'y a plus de secret pour l'homme, il n'y a plus de vie sociale pour l'homme. Sociale dans la définition ancienne du terme. Lorsqu'il n'y a plus de secret pour l'homme, il n'y a plus de social pour l'homme. Car éventuellement la vie élève la vibration de l'homme pour engendrer un monde nouveau qui est invisible à l'autre. Et tant que l'homme est dans le matériel, il doit vivre la vie du matériel d'une façon anonyme, et c'est pourquoi éventuellement ses sentiments d'amour, les sentiments qui ont racheté l'humanité, les sentiments qui ont permis à l'humanité d'évoluer vers des structures plus civilisatrices ne sont plus nécessaires. Et l'homme qui a aimé ne peut pas facilement perdre cet amour. L'homme qui s'est attaché à son amour, que ce soit un amour passionnel ou que ce soit un amour spirituel, ne peut pas avec grande facilité perdre cet amour. Mais il n'a pas de choix, parce que l'absolu est suprême dans l'homme. Mais l'absolu est aussi puissant dans l'homme. Et l'absolu donne à l'homme la puissance nécessaire pour qu'il s'élève au-delà de ses sentiments les plus positifs et les plus sacrés. L'homme qui sait connaît les secrets du mystère. Et l'homme qui connaît les secrets du mystère ne peut plus substituer dans sa conscience les valeurs quelconques d'une humanité auxquelles il a appartenu pour un temps quelconque. Il est obligé d'adapter en lui-même la vibration du rayon qui se perpétue à travers de lui pour la glorification de la vie sur un plan ou sur un autre. Un tel homme ne peut plus appartenir aux formes qui ont civilisé l'homme. Puisqu'un tel homme n'appartient plus à l'humanité, et remarquez qu'il y aura toujours un combat entre votre esprit et le mien, tant que votre esprit ne sera pas dans sa propre lumière. Il y aura toujours un combat parce que votre esprit est affecté par d'autres pensées. Il y a des forces qui retardent, il y a des forces qui ne veulent pas, il y a des forces qui combattent. Il y a des forces qui veulent dominer, mener l'homme. Il y a des forces qui veulent maintenir la structure. C'est pourquoi je sais que ce n'est pas l'homme qui n'est pas en harmonie avec moi. C'est l'esprit dans l'homme. L'homme, de par ses sentiments, est en harmonie avec moi. Mais l'homme, de par son esprit, ne l'est pas parce que son esprit n'est pas le sien. Son esprit n'est pas le sien. Autant la flamme se mélange à l'autre flamme et devient une, autant votre esprit se mélange à un autre esprit et devient un. C'est pourquoi souvent les hommes sont un avec un autre esprit qui influe sur leur esprit et qui crée les conditions de combat entre moi et eux. Mais je supporterai toujours l'homme et l'esprit de l'homme contre ses esprits, afin que l'homme devienne éventuellement autonome. Un des grands exemples de ce combat entre notre esprit, autant l'esprit de Bessette et du mien, contre d'autres esprits qui ont influé sur l'esprit de Manon en est la preuve. Notre esprit doit avoir la puissance. Notre esprit doit être intelligent pour combattre des esprits qui influent sans que ce soit reconnaissable, dans la plupart des cas, sur d'autres esprits humains qui font partie de la race humaine, des hommes qui ont droit à la vie et à la compréhension de la vie d'une façon parfaite et non d'une façon qui est déterminée par les lois du mensonge cosmique, lois qui se servent à la fois de l'amour sous toutes ses formes pour influer sur l'esprit de l'homme, surtout les voyants. Si vous n'êtes pas suffisamment dans votre propre esprit pour savoir déjà ce que vous dira le voyant, vous êtes en danger d'influence. Mais c'est votre expérience. Moi, je vous le dis, je vous l'annonce, vous le vivrez par vous-même. Je n'ai pas d'objection au voyant. Je n'ai pas d'objection avec ceux qui trafiquent avec le monde spirituel. Mais j'ai objection à ce que ceux qui trafiquent avec le monde spirituel et qui ne sont même pas eux-mêmes conscients des lois de leur trafic infligent sur l'homme fidèle, croyant, sincère, spirituel, qui recherche une perte énorme de temps. Et ce sont ces êtres qui retardent l'évolution de l'homme. Il y a une différence absolue et infinie entre la lumière et le monde des esprits. Absolue et infinie. Et les hommes doivent savoir par eux-mêmes ce n'est pas parce qu'un voyant vous dit qu'il est en communication avec Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Joseph ou Saint-Pierre que ce qu'il vous dit est ce qu'il doit vous dire. Et ceux qui ne comprennent pas ceci s'infligeront une perte d'énergie et perdront beaucoup de temps. L'homme est délicat. L'homme spirituel est comme une porcelaine qui vibre. Aussitôt que l'on parle spirituellement. Et c'est justement par cette vibration qui déclenche en lui des sentiments de toutes sortes et colore sa conscience spirituelle que l'homme continue dans le jeu du monde des esprits. Et qu'il retarde sa conscientisation, son individualité, son autonomie, pour qu'il en vienne un jour à être totalement libre et indépendant de tous les hommes, et même de moi. Mais l'expérience est la seule chose dans la vie de l'homme qui ne peut se transmettre. On peut transmettre un enseignement, une instruction, mais l'expérience fait partie de la vie de l'homme. Je n'ai rien contre les voyants. Je n'ai rien contre rien. Mais je vois tout. Et je divulguerai tout. Pour que les gens qui ne sont pas en fusion puissent vivre de plus en plus de leur propre vibration, de leur propre intelligence, de leur propre intelligence. Il y a des voyants qui aident l'humanité, il y a des voyants qui retardent l'humanité. Ceux qui aident l'humanité, je les connais. J'ai même envoyé des gens vers ces voyants. Mais il y a ceux qui retardent l'humanité. Et leurs activités seront aussi arrêtées. Les forces sont grandes. Et l'homme spirituel doit être protégé de tout ce cirque spirituel et occulte et ésotérique qui devient de plus en plus dans le monde une plaie positive. Et je dis une plaie positive. Et ce n'est que dans l'expérience de l'individu que cette plaie sera cicatrisée. Quand vous comprendrez, et ce n'est pas tout de suite, les mystères de l'intelligence, de l'amour et de la volonté, vous verrez jusqu'à quel point l'homme est influencé. Il se soulèvera en vous, dans votre poitrine, une colère maudite. Un feu. Mais ce sera votre feu et non le feu des autres. il n'y a pas de plus puissante forme pour créer une influence rapide chez l'homme que l'amour. C'est le matériel spirituel de premier ordre, pour emprisonner l'homme sous une influence quelconque. Pour réduire sa volonté, voiler son intelligence et le faire vivre dans un amour spirituel qui n'est qu'un mouvement de son ego, pour continuer constamment ce parapluie qui s'installe depuis des siècles au-dessus de la tête de l'humanité et qui fait qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, un siècle où l'homme a développé une technologie mécanique avancée, où l'homme a développé des moyens pour réellement créer sur une planète un environnement louable, des conditions totalement atroces de guerre, de destruction et de terrorisme, mélangées à une spiritualité écœurante qui couvre le monde et qui empeste la Californie, les Indes et de plus en plus les pays occidentaux. A été fait au nom de l'amour. Les croisades contre les infidèles au nom de l'amour. Mais ces choses doivent être dites pour que l'homme puisse un jour les reconnaître par lui-même. Et non parce que je les ai dites. Et l'homme qui le reconnaîtra par lui-même sera automatiquement dans sa conscience. L'amour n'est pas un sujet que l'on discute. Ce n'est pas une plateforme pour élaborer des bons sentiments ou de la bonne volonté. D'ailleurs, la bonne volonté que l'on fait coïncider avec le sentiment de l'amour n'est qu'une perte de notre propre volonté. Bonne volonté pour qui? Pour les autres, pour la société, mais jamais pour l'individu. Le mouvement de la vie sur la terre entière est totalement opposé au mouvement de la vie provenant des forces de la lumière. C'est pourquoi, lorsque ces forces seront implantées sur la planète, la civilisation sera détruite. Nous devons être nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire être nous-mêmes? Être nous-mêmes veut dire être dans l'intelligence, l'amour et la volonté universelle. Tout le reste n'est qu'une affubulation, une culture, une politique, une organisation des mœurs pour le bénéfice d'une société qui n'a aucun lien avec les forces qui ont donné origine au mouvement. Qui ont maintenu dans l'universel, dans le cosmos, la flamme dans la tombe, qui ont donné à l'univers matériel physique des dimensions infinies pour que l'homme puisse exploiter dans le temps, lorsqu'il aura la science, la vertu parfaite de l'absolu et la conscience totale des lois d'où émane cette perfection. Vous avez une génération pour comprendre que tout ce que vous êtes, tout ce que vous sentez, tout ce que vous aimez sentir, tout ce qui vous fait plaisir, sera détruit. Vous avez une génération pour savoir. Et lorsque vous serez, vous n'aurez plus besoin de l'homme. Vous n'aurez plus besoin d'aimer parce que vous aurez compris que l'amour n'est pas ce que l'homme pense. L'amour ne s'exploite pas. L'amour est une puissance, un pouvoir qui passe dans l'homme, qui n'appartient pas à l'homme. Or, si vous vivez d'amour et si vous construisez par l'amour des formes, ces formes seront détruites parce qu'il en est ainsi. Lorsque se manifestent sur un plan matériel des conditions qui doivent servir de base et de fondation pour la création d'un monde nouveau, tout le reste n'est qu'échéance et fait partie de votre expérience involontaire. Je parle pour demain. Un petit break. La prochaine période pour les cassettes, c'est l'autre conférence, pas celle-ci, c'est où? Le 28 juin. J'ai hâte d'avoir M. Bessette danser avec la malenfant. Apparemment, il est censé avoir un genre de party ou cocktail party, je sais pas, là. Mais c'est supposé être dans les trois premiers prochains mois. Où, comment, je sais pas. Mais je commence à être tanné de parler de l'amour puis de la conscience. Puis je pense que ce serait le fun qu'on se rencontre puis qu'on danse un peu. Prendre une petite chatte, puis s'amuser. Ça fait que, essayez de pas tout venir ensemble, parce que ça va être toute une affaire, mais en tout cas, l'invitation va être lancée à tout le monde quand ça sera le temps. Je comprends pas exactement le mécanisme de ça, pourquoi, mais je sais qu'ils ont trouvé des raisons. Mais apparemment, c'est bon qu'on se relaxe un petit peu. Puis apparemment, ils veulent qu'on fasse un bal masqué. Quelque part en 1982. Je pense que ça va être au début. On est en 81, là? Quelque part en 1982. Probablement, ils vont faire ça autour de Noël, la période de Noël. En tout cas, je vous dis ça bien d'avance, là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va se produire. Un bal masqué. Mais ça va être un vrai bal masqué. Puis je plains celui qui va me reconnaître. Je vais m'organiser une de ces patentes. Mais il va y avoir un bal masqué. Je pense que c'est bon que on s'amuse un petit peu de temps en temps. Après ça, on retombera dans leur patente à eux autres. Fait que le bal masqué, je vous l'annonce d'avance. Parce que pour vous organiser dans vos affaires. Mais ça va être apparemment bien intéressant. Il dit qu'on est assez masqué comme c'est là, ça sera pas dur. En tout cas, c'est dans l'air. Ça va travailler dans l'air. Ou, je ne sais pas, ils veulent pas me le dire dessus. Mais ça va être plaisant. Je sais pas comment ce monsieur Bessette va s'organiser. Ils disent que le bal masqué doit être beau. Faut qu'il soit beau. Il ne peut pas être dégainé à date. Quelque chose de bien. Soit beau. Ça va avoir des tensions. Quand Gisèle vous enverra l'invitation, mais essayez d'y renvoyer une affirmation ou une négation pour qu'elle puisse s'organiser, pour connaître combien est-ce que de personnes vont venir pour la salle et toute la patente. OK, on continue la patente. Je t'en ai parlé de l'amour. D'autres choses? Font quel travail? Pourquoi les gens aussi importants, c'est plus de gens comme nous autres, qui ne sont pas nous autres, on vaut. Ils disent pour te faire réaliser qu'on est aussi important qu'eux autres. C'est important, là. OK, on va parler de la volonté. Ce qui vous empêche d'être dans la volonté, on n'a pas de volonté, on est dans la volonté. Ce qui nous empêche d'être dans la volonté, c'est que notre corps mental n'est pas ajusté à notre corps mental supérieur. Autrement dit, nos corps, nos principes émotionnels, mentaux, vitaux, tout notre être inférieur n'est pas ajusté vibratoirement à la vibration qui vient de lumière. Alors, automatiquement, cette vibration-là ne peut pas passer, ou si elle passe, elle est toujours colorée. Elle est toujours diminuée. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la volonté. C'est pour ça qu'avec les années, les corps s'ajustent, on souffre de ci, on souffre de ça. Puis avec les années, nos corps sont tellement ajustés que l'énergie passe et la volonté se manifeste, comme l'amour se manifeste, comme l'intelligence se manifeste, sans effort. Il n'y a pas d'effort dans la volonté. Ça se manifeste. Mais je veux partir de moi-même, parce que si je réponds à vos questions, j'ai pas la même vibration. Enfin, je veux partir de moi-même. Mais c'est ça un petit peu, bon. Lorsqu'on commence à comprendre le mystère de l'amour, parce que l'amour c'est un mystère, comme la volonté c'est un mystère, et l'intelligence c'est un mystère. Quand on commence à comprendre le mystère de l'amour, c'est-à-dire lorsqu'on commence à réaliser que l'amour n'est pas de l'ego, que l'amour n'appartient pas à l'ego, que c'est une vibration, que c'est une force qui sert à un plan qui est au-dessus de lui-même, à ce moment-là, toutes les activités qu'ont fait les hommes sur le plan humain, toutes les activités sont désengagées du sentiment de l'amour. Alors, pour être plus près dans mon explication, là, si on prend le dénominateur commun d'expérience humaine où l'amour est le plus impliqué au niveau de la sexualité, dans la sexualité humaine, il y a toujours de l'amour humain, ce qui crée des liens entre les hommes et les femmes, qui sont sujets à détérioration ou qui sont sujets à affection suivant le rapport des personnalités et le rapport des caractères. Mais dans l'amour universel, même là où il y a sexualité, l'amour humain n'existe pas, de sorte que la sexualité, elle est terminale, c'est-à-dire que la sexualité, elle est vibrante, elle est ajustée au corps astral qui est désengagé du sentiment de l'amour humain. Et ça, c'est bon parce qu'une fois que la sexualité, elle est vécue purement au niveau terminal et qu'elle est désengagée du sentiment de l'amour, la sexualité devient un mécanisme qui permet de rééquilibrer les vibrations du corps vital de l'homme et qui lui donne la santé physique. Une sexualité qui est vécue dans un désengagement total du corps émotionnel de l'ego qui engendre de l'amour crée dans l'homme un parapluie contre la maladie. La sexualité est totalement occulte chez l'homme. Chez les animaux, elle est vécue naturellement parce que les animaux sont contrôlés vibratoirement par des forces collectives. Alors, ils n'ont pas de problème au niveau de leur ego. Mais aussitôt que l'homme entre en jeu dans sa sexualité, il la colore, sa sexualité, il introduit dans sa sexualité de l'émotion qui engendre un amour humain subjectif, et ça, ça crée des liens vibratoires entre le corps astral d'une personne et le corps astral d'une autre personne. Puis si les liens vibratoires sont trop forts, ça empêche l'énergie vitale de descendre jusque sur le plan physique. De sorte que l'énergie, elle arrête là, puis elle descend pas ici. Et ça, ça engendre éventuellement beaucoup de malaise dans le corps matériel de l'homme. L'énergie sexuelle, c'est une énergie qui doit être vécue par l'homme d'une façon totalement inconditionnée. C'est-à-dire que le mental ne doit pas être impliqué dedans et le corps émotionnel ne doit pas être impliqué dedans, seulement le corps vital ou le système de reproduction. Et l'humanité, à cause de son inconscience puis à cause de sa coupure avec les plans invisibles, avec les plans de lumière, a totalement perverti la sexualité, de sorte que l'homme a subi les conséquences de cette perversion de la sexualité. L'amour humain ne doit jamais être contenu dans la sexualité. Ça, je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour demain que je vous parle. Vous verrez un jour que dans votre sexualité, il n'y a pas d'amour humain. Il y a simplement une énergie qui descend dans les centres, qui fait vibrer les centres, mais qui ne loge pas dans l'émotion de l'homme une forme de l'amour inférieur. Et c'est cette sexualité qui devient extrêmement importante, qui devient très occulte, qui devient un pouvoir de la vie sur le plan inférieur de l'homme. Oh, ça c'est bien intéressant. Il dit que l'intelligence fait vibrer le mental, l'amour fait vibrer l'émotionnel, la volonté fait vibrer le physique. Il dit qu'une relation directe entre la sexualité et la volonté. Mais l'homme ne vit pas sa sexualité par le biais de la volonté, il vit sa sexualité par le biais de l'amour. Puis ça, c'est une résultante, c'est le résultat, autrement dit, de la forme de l'amour dans son centre émotionnel. Autrement dit, la sexualité de l'humanité n'est pas bien vécue, elle devrait être vécue par le biais de la volonté et non par le biais de l'amour. Lorsque l'homme vivra sa sexualité au niveau de la volonté, au lieu de la vivre au niveau de l'amour, il ne sera plus engagé égoïquement dans sa sexualité et ne souffrira plus de sa sexualité à aucun niveau. Et si l'homme souffre de sa sexualité, c'est parce qu'elle est engagée, cette sexualité-là, au niveau de ses émotions. Ça se comprend et ça se sait quand on le sait. On ne peut pas le savoir avant ça. Donc, en attendant, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour demain. Occupez-vous-en pas aujourd'hui. Mais ce qui a fait que les hommes ont... Ça, c'est bien intéressant. Ce qui a fait que les hommes ont vécu leur sexualité au niveau de l'amour, c'est parce que l'homme devait développer dans le passé une société et former une famille. Tandis que dans l'avenir, l'homme ne formera pas une famille par relation avec son corps de désir. Parce que l'homme dans l'avenir va rencontrer la femme par l'intelligence au lieu de par l'amour. Fait que si eux autres te disent, bon, c'est elle ta femme, commencez pas ça tout de suite, là, vous allez vous tromper. Plus tard, vous allez le savoir par vibration, ça c'est ta femme. C'est comme s'il t'impose ta femme, comme il t'impose ton mari. À ce moment-là, le lien familial qui se développe est au niveau de la conscience cosmique et non au niveau du sentiment qui est nécessaire sur le plan humain pour former une famille. Parce que sur le plan humain, ça prend quand même des émotions pour former une famille. Mais c'est pas le temps que l'homme vive au niveau de la conscience cosmique et que l'homme construise la famille à partir de l'intelligence ou à partir de la volonté. Alors l'homme devait former la famille à partir de l'amour et à cause de ça, à cause de cette formation, sa sexualité a été rattachée à l'amour. Quand l'homme sera conscientisé, sa sexualité sera rattachée à la volonté, elle sera libre de l'amour, l'homme et la femme seront unis par l'intelligence universelle, et l'amour servira d'autre chose. Autrement dit, quand l'homme se conscientise, il faut qu'il vive un déplacement complet des relations entre l'amour humain et sa sexualité. Alors, il s'en va de cette ligne-là vers la sexualité et la volonté. L'amour humain est neutralisé pour devenir un amour totalement abstrait, totalement cosmique, qui sert simplement à engendrer sur d'autres plans des énergies. Et son intelligence sert à diriger son activité sur le plan humain, l'intelligence universelle. De sorte qu'il vient un point où l'homme, au niveau de son ego, n'est plus impliqué dans rien de ce qu'il fait. Il est plus impliqué au niveau de sa volonté. Sa sexualité n'est plus contrôlée par son corps de désir, qui est le centre de son amour humain, mais par la volonté universelle. Son intelligence est en dehors de son intellect, et son amour est en dehors de son corps de désir spirituel. C'est pour ça que rendu à ce moment-là, les plans supérieurs et les plans inférieurs sont réunis et l'homme, dans toutes ses activités, parfait sur le plan matériel, les conditions de l'évolution telles que décrites, telles que décidées par les forces universelles, les forces de lumière en lui. Mais la fameuse sexualité de l'homme, c'est toute une patente. Parce que chez l'homme, ben ça c'est intéressant. Il dit que chez l'homme, la sexualité peut être plus volontaire que liée au niveau de l'amour. C'est pour ça qu'on reconnaît dans l'expérience de l'homme que les femmes vont aller avec les hommes. Quand une femme va aller avec un homme, il faut qu'il y ait de l'amour dans son expérience. Tandis qu'un homme peut aller avec la femme sans qu'il y ait d'amour dans son expérience. Parce que l'homme est plus mental que la femme. Dans l'avenir, au niveau de la sixième race, l'homme et la femme iront vers la sexualité de la même façon, en relation avec la volonté et non en relation avec le sentiment de l'amour. Mais pour que ceci se fasse, il faut que l'homme et la femme comprennent les illusions du corps de désir relié à l'amour dans l'expérience de la sexualité. Et ça, c'est une expérience qui vient graduellement, qui se fait dans l'homme au fur et à mesure que l'homme se conscientise. Sans ça, l'homme souffre de sa sexualité, dans sa sexualité, si elle ne fonctionne pas ou s'il y a une rupture entre lui et sa femme, pour des raisons sexuelles. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la sexualité, c'est occulte, l'homme ne le réalise pas, or l'homme souffre dans son égo au niveau de sa sexualité. Mais lorsque l'homme réalise qu'il y a des forces en lui au niveau de l'âme qui travaillent constamment, s'il y a des changements dans la sexualité, s'il y a une sorte de perturbation, à ce moment-là, il n'en souffre plus. Et ça, ça sert à désengager la sexualité du phénomène de l'amour humain pour réengager plus tard la sexualité d'une façon totalement universelle, libre, lorsque l'humanité sera à un point où l'homme pourra comprendre les mystères de son individualité et organiser sa vie mentale, émotive et physique selon les principes de la loi de 1. Mais ces temps-là ne sont pas arrivés encore. Les hommes ne sont pas capables au niveau de leur expérience encore de vivre cette sexualité parce que les hommes ont encore trop un corps de désir affectif. Mais je vous parle pour demain. Alors, il y a eu des lois extrêmement sévères et rigides sur la planète pour empêcher que l'homme vive une sexualité désordonnée. Et c'est seulement plus tard que l'homme pourra vivre une sexualité ordonnée par les forces de la lumière en conjonction avec la volonté universelle et libre du sentiment de l'amour humain qui est nécessaire ou qui a été nécessaire dans le passé pour créer les liens entre les hommes pour la fondation de la famille. Alors, la sexualité telle qu'elle a été vécue, elle a été vécue au niveau de l'amour. Dans l'avenir, elle sera vécue au niveau de la volonté. Mais ça, il dit, ça se comprend pas, ça se sait quand tu es dedans. En attendant, mais continuez au niveau de l'amour, puis aimez-vous les uns les autres. Quand ils nous disent qu'on a tout à réapprendre, ils sont sérieux. On a tout à réapprendre. Mais en réapprenant tout, on se dégage de tout, fait qu'éventuellement, on est bien. Parce que ce qui marchait avant, ça marche plus. Mais ça marche d'une autre façon. Quand on mange, on ne souffre pas de ce qu'on mange. Au niveau de la sexualité, ça devrait être la même chose. On ne devrait pas souffrir de notre sexualité, mais on souffre. Parce que quand on mange, on ne mange pas par amour. Si on mangeait par amour, on souffrirait de notre nourriture. Mais on fait l'amour par amour. Et là, notre erreur. C'est pour ça que les forces de lumière ont été très longues dans la pénétration de la conscience de l'humanité. Parce que l'humanité était entourée de voiles, de formes qui servaient à l'évolution. Et le travail de ces formes-là devait se continuer, se poursuivre pour former les civilisations qu'on a connues. Mais là où les forces entrent dans la conscience de l'individu, automatiquement, on fait expérience de l'évolution et les formes qui ont été nécessaires dans le passé sont éliminées pour que l'homme vive une vie qui est totalement autre, aussi aussi grande qu'elle est cette vie, autant peu l'homme peut le réaliser. Parce que l'homme a l'impression que quand il se conscientise, il perd quelque chose. Il perd rien, mais il perfectionne tout. D'ailleurs, une race, pour que ça se reproduise, il faut que les éléments essentiels de cette race-là fonctionnent. Mais pour qu'une race se reproduise parfaitement, il faut que l'homme fonctionne parfaitement. Puis autant il est difficile à l'homme de s'imaginer vivre une sexualité sans le sentiment de l'amour, autant ce sera facile pour lui de le vivre quand il sera déconditionné vibratoirement de cette forme qui se loge dans son corps astral et qui lui enlève la volonté, qui lui fait posséder l'être et qui crée dans son esprit égoïque une tristesse lorsqu'il n'est pas avec cet être. Et toutes ces forces-là agissent sur l'homme et toutes ces forces-là empêchent l'homme de devenir surhomme. Un surhomme, c'est un homme qui n'est pas limité par les forces de vie qui ont été conditionnées par les exigences de l'évolution planétaire, mais qui vit selon les forces de vie provenant des mondes de la lumière et qui illumine les plans où s'exécute sur le plan matériel, ou dans la vie matérielle, ou dans la vie éthérique, le plan de la création. Alors, c'est une vie totalement différente. Mais à cause des formes qui sont dans l'esprit de l'homme, on ne peut pas aller trop vite et expliquer trop tôt les mystères des principes. Parce que les gens auraient... Je vais en parler. Les gens, il n'y a personne qui enregistre dans la salle, hein? Les gens auraient tendance à mal comprendre ce que je veux dire. Il ne faut pas que les gens interprètent mal ce que je veux dire, parce que c'est un matériel qui est sensible. Ça, c'est la raison pourquoi est-ce que je ne veux pas que les cassettes sortent des conférences. Lorsque l'esprit de l'homme est infligé une vibration qui provient de l'esprit dans l'homme. Il se produit dans l'esprit de l'homme un changement vibratoire qui commence à créer toutes sortes de miroitements dans son ego, dans son mental. Et ce sont ces miroitements-là que vous devez être aux aguets. Parce que souvent, je vais vous dire une chose, puis c'est seulement plus tard, après une certaine expérience, que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est pas nécessairement tout de suite. Puis dans le tout de suite, il peut y avoir une grande marge de différence entre ce que vous recevez au niveau de vos pensées et ce que je vous dis. C'est pour ça que lorsque je vous dis des choses, surtout des choses qui sont aptes à créer en vous un remous, ou autrement dit, quand je vous dis des choses qui détruisent des formes qui sont depuis longue date installées dans la conscience de l'homme, c'est à ce moment-là que les miroitements dans votre esprit, il faut que vous les viviez d'une façon calme. Sans ça, vous allez être déchiré. C'est pour ça que je vous dis, attachez-vous pas à ce qu'ils vous disent. Lorsque les autres auront ajusté vos pensées, à ce moment-là, ce sera plus facile pour vous de reconnaître par vous-même ce que vous savez. Sans ça, ils peuvent vous faire de l'overtime et vous pouvez souffrir pour rien. Vous ne pouvez pas interpréter ce matériel-là. C'est du matériel que vous devez savoir. Et ce matériel-là, vous le savez quand votre corps mental est ajusté et votre corps émotionnel est ajusté. Ils ne veulent pas nous faire souffrir pour rien, mais le fait qu'ils nous révèlent des mystères de la vie concernant des formes que l'on a acceptées depuis des millénaires, c'est évident que l'ego, lui, est sujet à des changements de température. Mais ce sont ces changements de température-là qui créent en lui une ouverture de conscience et qui lui permettent de se joindre à la vibration de l'âme. Parce que ce n'est pas les affaires de l'ego, les affaires de l'esprit. Les affaires de l'esprit sont les affaires de l'esprit et c'est à l'ego d'absorber les affaires de l'esprit pour que l'ego puisse connaître l'esprit. C'est pas l'esprit qui va plier puis qui va mettre des conditions à ce qu'il dit. L'esprit est absolu. Mais l'ego, lui, des fois, il va essayer de prendre ce qui fait son affaire dans l'esprit puis mettre de côté ce qui fait pas son affaire. Vous pouvez pas faire ça. Avec le temps, vous êtes obligé d'être totalement dans votre esprit et prendre tout ce que vous donne votre esprit. Mais votre esprit étant encore en évolution et n'étant pas encore libéré de vos émotions et de votre mental, peut facilement venir en confrontation avec le mien. Et ça, c'est normal. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas me sentir. Mais avec le temps, ça se tasse. Je ne vais pas parler pour vous faire plaisir. Je suis obligé de vous parler pour vous faire comprendre éventuellement ce que vous devez savoir par vous-même. Alors, quand on tombe dans le domaine de l'amour, puis des sentiments, puis la sexualité, puis patata, bien, c'est évident que on a énormément de choses à apprendre. Un exemple. Quand un homme aime une femme, puis qu'une femme aime un homme, ce qui se passe entre les deux, c'est au niveau de leur conscience astrale. De sorte que un homme qui aime une femme, puis une femme qui aime un homme, si vous pourriez vous voir là, sur le plan astral, vous verriez qu'il y a une communication télépathique entre vous deux, constante, constante, constante. Mais un homme qui n'aime pas, quand je dis aimer, je parle au niveau humain, là. Mais un homme qui ne peut pas aimer sa femme, puis une femme qui ne peut pas aimer son homme, mais une femme puis un homme qui sont dans l'amour, ils vivent une communication télépathique au niveau du corps mental. Et c'est cette communication télépathique au niveau du corps mental qui se développe, et se développe, et se développe, qui fait qu'un jour, cet homme et cette femme-là sont sur la même longueur d'onde, et qui sont totalement inséparables, indivisibles par aucune circonstance humaine. Au niveau de l'esprit. Et ça, ce que ça produit, c'est que ça désengage leur corps matériel l'un de l'autre pour n'engager que leur esprit pour permettre éventuellement, au cours de l'évolution occulte de la sixième race, que les corps matériels servent l'esprit dans quelque condition que ce soit et que ces corps-là n'appartiennent plus à la personnalité de l'ego. exemple graphique, là. Je donne un exemple le plus loin possible pour que vous ne l'associez pas au niveau personnel. Imaginez-vous que l'homme de la sixième race, un jour, est quelque part dans le monde, puis qu'un jour, descend une soucoupe volante, puis qu'une femme sort de la soucoupe volante, et que la femme et cet homme-là aient des rapports sexuels, que la femme reparte dans sa soucoupe volante, puis lui reste chez eux. Il s'est produit quelque chose. Cette femme est peut-être venue sur la Terre pour avoir des relations sexuelles avec cet homme-là, pour créer sur sa planète une nouvelle race. Mais si l'homme est pris dans ses sentiments humains, son corps devient la possession de son ego, il va refuser l'expérience avec cette femme-là, parce qu'il est en amour avec sa femme. Et automatiquement, il va contre les lois cosmiques de la génération des corps pour le bénéfice des civilisations avancées. Alors, l'homme doit apprendre très jeune, au début de son évolution, avant d'entrer dans le temps où les hommes de notre Terre, les hommes des planètes supérieures viendront et se rencontreront, comme c'est arrivé dans le passé, pour que l'homme puisse faire ce qu'il a à faire. De la même façon que si l'homme un jour va sur une autre planète qu'il rencontre des femmes, avec lesquels il a une sympathie vibratoire, qu'il puisse avoir des relations avec ces femmes-là et revenir sur sa planète. Ou une femme de cette planète-ci, aller sur cette planète-là, rencontrer un homme d'une certaine calibre vibratoire pour revenir sur la planète ici et donner naissance à des enfants sur des plans moronciels qui serviront à l'évolution encore des races dans la galaxie. Alors, ça va loin l'affaire de l'amour. Quand je vous parle de l'amour aujourd'hui, de l'amour humain, c'est pour demain. C'est pour ça que je dis qu'un homme qui est conscient ne peut pas aimer sa femme dans l'amour humain. Il est dans l'amour. Et l'esprit en lui devient la force intelligente, la force de l'amour et la force de la volonté qui dirige les activités du corps matériel par le biais de la personnalité. Sous l'emprise de l'ego, qui est devenu un canal. Autrement dit, à ce moment-là, l'homme est dans la loi unique et ne peut plus faire interférence aux lois de l'évolution. Et c'est ce qui s'est produit dans le passé lorsque des extraterrestres sont venus sur notre planète et ont eu des relations sexuelles avec les hommes de la Terre. Et si les extraterrestres n'étaient pas venus sur la Terre, ils n'auraient pas eu de relations sexuelles avec les hommes de la Terre. Il n'y aurait pas eu sur la Terre de race humaine telle que nous la connaissons. L'homme serait demeuré à un stade extrêmement primitif que les anthropologues appellent le Néandertal, et ainsi de suite. Des hommes singes, quasiment. Des hommes extrêmement primitifs. Des hommes qui étaient totalement animaux, qui avaient un brin d'intelligence, un peu comme les animaux ont un brin d'intelligence. Mais lorsque les extraterrestres sont venus sur la Terre et ont ensemencé les femmes de l'homme, c'est à partir de ce moment-là que l'humanité est devenue l'humanité d'aujourd'hui. Autrement dit, ça prenait une vibration supérieure dans un corps inférieur pour soulever la conscience astrale de l'homme. Les planètes ne sont pas séparées. Aujourd'hui, on vit ici. Naturellement, on n'a pas les pouvoirs d'aller sur les autres planètes. Mais le cosmos est très vaste. Il y a énormément de civilisations en évolution dans le cosmos. Et chaque civilisation connaît ce qu'elle... Ces civilisations savent ce qu'elles ont à faire. Mais c'est la conscience créative dans le cosmos à travers ces civilisations qui doit s'épanouir à travers les types humains de ces civilisations-là pour qu'augmente constamment la vibration du corps astral et du corps mental des humanités en évolution. Sans ça, ce serait beaucoup trop long. Et sans ça, l'homme éventuellement retournerait à un stage primitif. Vous savez qu'un membre, il faut que ce soit exercé, parce que si ce n'est pas exercé, éventuellement, ça tombe sous la décrépitude. Et c'est la même chose au niveau des races, c'est la même chose au niveau de la sexualité des races. Mais on a tellement mal compris la sexualité sur la Terre à cause du fait qu'on devait passer par des stages de sensibilisation au niveau de nos mœurs, à cause du fait qu'on était dans le sentiment de nos formes, que la sexualité ne sert plus à l'humanité. Elle dessert l'humanité, et c'est pourquoi il y a sur la Terre un problème de population. Alors, la sexualité servira l'humanité, servira l'homme, contrairement à ce que les mystiques et les spiritualistes disent, mais d'une façon autre. Ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en haut doit être en harmonie vibratoire avec ce qui est en bas, par le biais de la volonté, de l'intelligence et de l'amour, et non par le biais du libre arbitre, de l'amour humain et de l'intellect. Et l'humanité comprendra ces choses-là au fur et à mesure qu'elle avancera dans la vibration. Mais il faut que ces choses-là soient dites pour que l'homme puisse comprendre des changements vibratoires lorsqu'ils se font, et que l'homme ne souffre plus dans son ego, dans sa subjectivité, de ces changements vibratoires qui transposent l'astral ou l'énergie du corps astral pour former un corps mental supérieur, quitte ensuite à se servir du corps astral sous la force de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. C'est pour ça qu'on doit comprendre l'amour. Pardon. On doit comprendre l'amour, on doit comprendre les limites de l'amour dans le temps. Quand on les comprend dans le temps, on les sait, puis c'est de même. Puis on n'en souffre pas pour rien. Mais il faut que ces choses-là soient expliquées, parce que ces choses-là ne peuvent pas être données à l'ego. Parce que l'ego rejette tout ce qui est pur. L'ego n'a pas la force, à cause de ses sentiments, à cause de son intellect, d'absorber ce qui est pur, parce que l'ego lui-même est contaminé par des formes. Mais plus le temps avance, plus ça devient facile à l'ego d'absorber ce qui est pur, parce que les vibrations de son corps astral, de son corps mental, ils sont changées, puis éventuellement, ce qui devenait extrêmement difficile pour lui avant de comprendre, ça devient une seconde nature, ça devient normal et naturel pour lui et ceux qui sont dans la même vibration. C'est pour ça que ces choses-là ne peuvent pas être expliquées ou données à l'homme qui n'a pas un peu de sensibilité intérieure, qui n'est pas suffisamment sorti de l'illusion de son intellect. C'est pour ça que ces choses-là ne peuvent pas être écrites. En tant qu'homme, on a avantage à comprendre que ce qui nous lie dans nos émotions, nos sentiments d'amour, dans notre expérience de l'homme, est une limite sur notre capacité créative. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui est libre dans son esprit, qui est dans la volonté, l'amour et l'intelligence, n'a pas de limite dans l'expérience de vie. Il est libre, il est agent libre, il ne peut jamais souffrir de son expérience de vie. Mais tant qu'il n'est pas libre dans son esprit, il peut souffrir de son expérience de vie. Et c'est ce qui se produit dans la vie de l'homme, surtout au niveau de la sexualité. C'est un vrai fantôme, cette affaire-là. Ils disent que la sexualité, c'est essentiel à l'homme, seulement quand c'est vécu essentiellement. Mais c'est essentiel à l'homme, non pas en relation avec son corps de désir. Tout est énergie, même la sexualité. Mais c'est plus l'énergie de la sexualité qui nous concerne, les hommes. C'est la forme liée à l'émotion qu'on y rattache. C'est pour ça que la sexualité, sur une base de 100%, ne fait dans l'homme que 20%. de ce qu'elle pourrait faire pour la stabilité de son corps vital. Je vous donne un exemple. Vous prenez un petit gars qui a, disons, vous prenez un petit gars qui a 17, 18 ans, 19 ans. Pour une raison ou une autre, il peut pas rencontrer de filles, il peut pas rencontrer de femmes, il peut pas. Non, prenez un petit gars de 20 ans, 21 ans. Il peut pas rencontrer de petites filles. Prends un petit gars de 25 ans, quoi. Il ne peut pas rencontrer les petites filles. Qu'est-ce qu'il va faire à un certain moment? Il va être obligé de passer à la masturbation. Pour que ça passe, cette énergie-là. Mais s'il est allé chez Père Sainte-Croix pendant 20 ans, il va se demander des questions. Puis il va souffrir de son expérience. S'il n'était pas allé chez Père Sainte-Croix, il souffrira moins de son expérience. Alors, la forme de son expérience avec les Pères Sainte-Croix, ça va créer des tensions. Et à un certain moment, il va dire, je devrais pas jouer avec mon zizi. Fait qu'automatiquement, il empêche les vibrations de passer et il empêche de rétablir son corps vital. On est où? Je donne un exemple. C'est la forme qui va le couper. C'est pour ça qu'ils disent que la sexualité, c'est terminal. Ils appellent ça terminal parce que l'énergie, elle descend des plans supérieurs vers le mental, l'émotionnel, puis éventuellement vers le vital de temps en temps. Il faut qu'elle descende, cette affaire-là. Elle peut pas tout rester dans le mental, puis dans l'émotionnel. Il faut qu'elle descende. Mais s'il y a moins vraiment des formes sur les plans supérieurs dans le mental à cause de l'émotionnel, l'énergie va être bloquée. Moi, je suis sûr qu'il y a bien des sœurs qui voient des beaux petits cute de temps en temps sur le coin de la rue et ils diraient, il est petit cute. Tu sais comment ça sent les sœurs? Puis là, ils font un signe de croix. Mais le petit cute a passé. T'sais. Le curé, il est beau. Petit signe de croix. Faut qu'il fasse le petit signe de croix pour balancer la vibration. Mais le fait qu'ils ont trouvé le curé cute, ça leur fait un petit vlou. Puis là, après ça, le signe de croix. Ils sont corrects. Fait que c'est pour ça que les gens continuent constamment à faire les mêmes péchés. Ils font des péchés. Puis le curé, il dit, avez-vous le... Comment est-ce qu'il dit ça? Ça fait longtemps, je ne peux pas en parler. Ils disent, avez-vous la ferme résolution de ne plus recommencer? Puis la petite sœur a dit, je ne sais pas. C'est... C'est subtil. Il y en a une la semaine passée au séminaire. Il m'a passé que j'ai dit quelque chose durant le séminaire, puis je parlais à elle, puis j'ai parlé de lune de miel. Mais moi, je ne le savais pas, c'était l'après-midi, ça. Fait que j'ai parlé de lune de miel, puis quand j'ai dit lune de miel, des fois, quand je dis quelque chose que je comprends pas, des fois, je m'arrête pour essayer de le comprendre. Mais je l'ai laissé passer. En tout cas, le soir, elle est venue me voir. Une belle femme, 60 ans, une belle mère, grosse, des gros bras. Belle vibration. Puis elle dit, M. Bernard, elle dit, vous savez, elle dit, j'ai l'intention de me marier. C'est-à-dire que j'ai été proposé de me marier. Puis ce qui l'a amené à me dire ça, c'est parce que j'ai parlé de la lune de miel l'après-midi. Fait qu'elle a pris ça comme un reading. Moi, je le savais pas. Moi, je sais rien de ce que je dis. Je parle. Fait que, ben, elle dit, vous comprenez, à mon âge, elle n'a pas dit zizi, elle dit la sexualité. Ça me fait drôle. Puis les bras sautaient, puis tout. Elle voulait mon approbation. Puis comme c'est dur, je comprends que c'est dur de détruire des femmes à cet âge-là. J'ai donné une petite claque dans le dos, puis je dis, allez-y, foi du bon Dieu, mariez-vous. Tu sais. Fait que peut-être qu'elle va se marier. En tout cas, je souhaite qu'elle se marie. Les formes qui vont l'empêcher, cette belle femme-là, parce qu'elle est belle, de se marier. Terrible. Fait que c'est pas... Puis pourtant, C'est pas qu'elle n'en voudra pas. Du zizi. C'est parce qu'elle en a peur. C'est un gun pour elle. Voilà, tu sais. Ils ont peur de mourir au septième ciel. Alors, ça empêche l'énergie de descendre puis de la maintenir en vie pendant plusieurs années. Ça va loin. Fait que ça va loin. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise? C'est de même. Fait qu'elle l'aime, son gars. Fait que j'ai dit, es-tu délicat, es-tu gentil? Elle dit, ah oui, il est très délicat, il est très gentil. Don't laugh. Mais c'est de valeur. Si elle passe à côté, là, j'ai donné un petit coup de pouce. Mais, moi, j'aime pas ça me mêler de l'affaire des autres. Il y a quelque chose que je vais vous dire, mais je peux pas vous le dire encore. Je peux pas vous le dire encore. C'est une chose que je peux dire individuellement, mais je peux pas dire en groupe. Mais je sais ce que je veux dire. Mais je vais vous l'éclairer, par exemple. Ça va être que... Nous autres, on pense que notre sexualité est contrôlée par nous autres. On pense ça. Tu t'en vas sur la rue, tu vois une belle femme ou une femme voit un bel homme, puis une vibration. Puis on pense toujours que c'est au niveau de nous autres que ça se fait. C'est pas au niveau de nous autres. C'est toujours d'en haut, ça, cette vibration-là, qu'elle vient. Fait que temporairement, ça nous fait relaxer. Mais si on se prend au sérieux, on en souffre. Si on se prend pas au sérieux, on n'en souffre pas. Parce que deux corps humains, deux corps physiques, surtout si ce sont des corps qui sont vibratoirement... s'ils sont vibratoirement ajustés au niveau de la vibration de la sensualité qui vient par le biais du corps astral. C'est pas à l'ego de tout défaire le jeu de l'âme. Parce que l'ego ne peut pas rencontrer un autre ego tant que ça ne fait pas partie de son plan de vie, anyway. Souvent, un homme peut rencontrer une belle femme, puis ça, il reste totalement froid. Et vice-versa. Il y a des femmes qui rencontrent des beaux hommes, puis... C'est parce que la vibration n'est pas là. Mais quand que la vibration est là, ah, ça nous trouble. Puis on comprend pas pourquoi. Puis il dit qu'on a rien qu'une affaire à faire, c'est la vivre, cette vibration-là. D'abord, elle peut être très limitée, cette vibration-là. Mais pendant ce temps-là, ça relaxe. C'est subtil ce que je vous dis, mais je sais ce que je veux vous dire. Puis d'ailleurs, vous le faites tout, parce que vous avez tous des amours de bureau. Ceux qui ont des petits secrétaires, quand elle arrive cute le matin, ça vous fait vibrer. Puis qu'est-ce que ça fait, cette petite vibration-là, dans l'amour de bureau? D'ailleurs, la population... des bureaucrates est empêché de craquer à cause de ça. Parce que les gars s'en vont au bureau le matin, puis il sait que sa petite secrétaire est là. Puis elle est cute. Il peut pas sortir avec elle parce qu'elle est mariée, parce que petit peu tard, ben elle est là. Elle a pas les jambes croches. Mais pendant toute la journée, s'il est avec sa petite secrétaire, ça fait plaisir. S'il faut qu'elle sorte du bureau, l'épuration tombe. Il l'attend qu'elle revienne. Ensuite, elle revient bien content. Puis regardez, tous les petits secrétaires en bas de la ville sont tous cute. Parce qu'ils sentent, eux autres, les petits secrétaires aussi, ce que ça fait dans le bureau. Dans le bureau. Puis ils disent, tes amours de bureau, c'est bien important. Qui c'est que ça? Y aurait-tu des patrons qui comprennent ce que je veux dire? Ne levez pas vos mains, vous me donnerez un coup de pied plus tard. Mais on n'est pas au stage. L'humanité n'est pas au stage. C'est pour ça que j'en parle d'une façon bien délicate, cette affaire-là. L'humanité n'est pas au stage de comprendre ce que je veux dire par la sexualité terminale. Mais l'humanité en viendra avec le temps. Mais pour le moment, comme je parle à un groupe d'hommes qui sont en évolution rapide vers le supramental, je me permets de vous jeter des morceaux de viande. Mais c'est pas ça que je veux dire. En tout cas, on verra bien. Mais ils disent ce qu'on doit comprendre là-dedans, c'est ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on n'a pas compris, les hommes, le rôle et la fonction de la sexualité, parce qu'on a été prisonniers du rôle de la sexualité sans en comprendre la fonction, et tout ce qui compte dans la sexualité, c'est sa fonction et non son rôle. Mais on a vécu au niveau du rôle de la sexualité et non de sa fonction, parce que la fonction de la sexualité, elle est occulte, tandis que le rôle est psychologique, culturel. C'est lorsqu'on rentre dans la compréhension, dans la conscience de la fonction terminale de la sexualité, que l'homme dégage en lui une autre énergie qu'il n'a jamais connue avant et que tous les hommes et les femmes espèrent ou rêvent dans la société d'aujourd'hui. Parce que les hommes et les femmes aujourd'hui rêvent. Tu sais, ils ont leur mari, là, ça marche, bam, bon, t'es rose. Tout d'un coup, ils font un party. Tout d'un coup, la femme du voisin est venue, puis elle est cute. Le gars, il vibre, puis elle trouve cute. Puis il aime sa femme. L'autre est cute. Parce que l'énergie est là. Mais la société d'aujourd'hui ne permet pas et ne doit pas permettre que l'homme vive la sexualité au niveau de la fonction terminale. Ça, ça se fera dans une autre civilisation, dans un autre futur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Interprétez-moi pas pour dire, lui, il dit que... C'est pas ça que j'ai dit. Il veut pas me faire assommer par les femmes de tout le monde. Mais je sais ce que je veux dire. Mais il dit que la compréhension de ça va vous amener à vous libérer de du rôle de la sexualité dans l'équilibre de vos vies pour en arriver petit à petit à la fonction de la sexualité, pour en arriver à connaître la pénétration de l'énergie universelle dans ce centre-là pour balancer votre corps vital. Je peux pas vous en dire plus long pour tout de suite. C'est pour ça qu'ils disent qu'on est primitif. On n'est pas primitif parce qu'on n'est pas intelligent, mais on est primitif parce que tous nos corps ne sont pas harmonisés vibratoirement au rayon. si notre corps vital est harmonisé au rayon, si le corps émotionnel sera harmonisé au rayon, le corps mental sera harmonisé au rayon, on vivra pendant des années de temps. Je comprends. Parce qu'on recevra constamment des forces vitales, puis constamment des forces vitales. Mais on coupe, puis on coupe, puis on coupe, puis on coupe. Fait qu'éventuellement, l'émotionnel devient impacté, le mental ne sait plus quoi faire, puis le vital s'ennuie. Parce que la maladie dans l'homme, la vieillesse, ça part d'en haut. C'est pour ça que nous autres, en tant qu'hommes, de demain, on doit comprendre les mystères de notre vie. Puis les mystères de notre vie, on ne peut pas les chercher dans les livres. Puis on ne peut pas les chercher dans ce qui a été traditionnellement imposé à l'homme, c'est évident. Alors, il faut qu'on aille le chercher ailleurs. Puis ailleurs, bien, c'est en nous autres. C'est dans ce sens-là qu'ils disent que la sexualité, c'est occulte. Puis l'homme la comprendra quand ça sera le temps, puis quand il la comprendra, à ce moment-là, il ne sera plus pris dans le sentiment de son amour. Tu ne peux pas vivre la sexualité occultement et aimer. Sans ça, tu la vis au niveau du rôle. Tu ne la vis pas au niveau de la fonction. Terminale. L'humanité, c'est une des seules races sur la Terre qui ne connaît pas ça, la fonction terminale de la sexualité. Puis on était influencé par le rien avec son mysticisme spirituel. Mais il y avait une fonction là-dedans, c'était pour amener l'homme à développer une autre spiritualité. En développant une autre spiritualité, il était forcé de diminuer la vibration du corps de désir au niveau de l'astral. Alors, c'était bon, c'était une fonction positive. Mais lorsque l'homme rentre dans la conscience des principes qui le construisent, il faut qu'il comprenne la mécanique de l'énergie qui entre en lui, puisque l'homme est énergie. Alors, si l'homme un jour doit dématérialiser son corps matériel, il faut que tous les principes qui le constituent soient harmonisés par le rayon. Et l'harmonisation par le rayon se situe au niveau du mental, de l'émotionnel et du vital. Pas seulement au niveau de l'émotionnel spirituel. J'espère que personne interprétera ce que j'ai dit concernant l'amour et la sexualité. Parce que ce que je veux dire, c'est pas ce que vous pouvez comprendre si vous interprétez ce que je veux dire. Seulement, j'ai des choses importantes à vous dire, des choses qui sont fondamentales, qui sont vitales, qui sont occultes, dans ce sens que elles sont voilées à votre esprit tant que votre esprit sera dans sa propre lumière pour les comprendre parfaitement, ces choses-là. Mais il faut qu'elles soient dites. L'ego doit devenir totalement désengagé. Et autant il doit devenir désengagé sur le plan mental, autant il doit devenir désengagé sur le plan émotif. Ce qui crée éventuellement un désengagement sur le plan vital. Mais ça, c'est pour demain, très demain. J'aime pas ça, parler de certaines choses, parce qu'après ça, j'ai toujours du feedback. Alors, je me retiens, puis je me retiens. Je peux pas me retenir trop longtemps, faut que vous sachiez certaines choses. C'est à vous d'être capable de pouvoir les absorber. On se connaît assez, on est rendu qu'on va danser ensemble bien vite. Vous me laisserez tranquille, les femmes. Surtout Jeannette. Non, mais c'est bien sérieux, cette affaire-là. Alors, je vous dis ça pour que mûrisse votre esprit. L'esprit doit mûrir, puis l'esprit mûrit au fur et à mesure qu'il pénètre en lui essentiellement quelque chose de réel. C'est ça qui fait mûrir l'esprit. Le réel qui entre en lui fait mûrir l'esprit. Et vous avez besoin du réel dans votre esprit pour que votre esprit devienne de plus en plus puissant, pour que votre ego devienne de plus en plus ajusté à la vibration du rayonnement en vous. Parce que la vie, c'est multidimensionnel. C'est pas seulement matériel, la vie. C'est multidimensionnel. Mais la vie ne peut pas devenir multidimensionnelle tant que les principes de vie ne sont pas ajustés au rayon. C'est pour ça que c'est si long, la pénétration du supramental. Mais il y a des gens qui commencent à comprendre pas mal de choses, qui ont un esprit suffisamment mûr pour pouvoir absorber, sans en souffrir au niveau de l'ego, au niveau de leurs émotions, au niveau de leur pensée. Puis ça, je suis content de ça, parce que ça fait avancer le train. Mes petits trains vont loin. Mais il faut pas que le petit train aille trop vite, parce qu'il déraille. Mais on a du temps. Quand l'homme comprendra la fonction terminale de la sexualité dans son rapport avec l'énergie du corps vital, l'homme engendrera dans son esprit des forces de volonté très puissantes. Parce que je vous ai dit que la sexualité terminale, elle est liée à la volonté et non au sentiment. Mais quand je parle de ça, je parle pas de ça pour tout le monde. Je parle de ceux qui doivent éventuellement vivre ça. Mais le principe occulte doit être connu de l'homme, il dit. On doit connaître tout. Tout. Il ne faut plus que rien nous soit caché. Parce que tant que l'homme n'a pas compris la fonction terminale de la sexualité, il ne peut pas complètement transformer l'atome central de son corps émotionnel. La transformation de cet atome central du corps émotionnel nécessite la compréhension de la destruction de la forme liée à cette activité-là. Mais j'en parlerai. Avec le temps. On est enclin, les hommes, à croire que la vie se déroule comme on y est habitué. Non. Quand on rentre dans la vie supramentale, elle ne se déroule pas comme on y est habitué. Elle se déroule comme elle se doit. Et c'est là qu'il se forme une nouvelle alliance entre l'esprit et l'esprit de l'homme. Et c'est là que l'esprit soulève l'esprit de l'homme et que l'homme devient sur homme. Vivre dans l'esprit, c'est pas vivre, et d'ailleurs c'est très loin de vivre comme on vit dans notre spiritualité. L'esprit, c'est absolu. Quand l'esprit entre dans l'homme, c'est absolu. C'est pourquoi l'homme peut faire des choses qui sont totalement créatives et établir une harmonie qui n'existe pas sur le plan matériel ou sur le plan de l'éther. Mais l'homme a un temps suffisamment long pour que s'installe l'esprit en lui. Pour que se brise, pour que se rupture les liens de toutes sortes qui l'attachent à la forme. On commence à apprendre. Et on a tout à réapprendre. Les fondations les plus solides de notre vie seront mises à terre pour ceux qui entreront dans cette énergie. Pour que s'implante dans la vie de l'homme, sur le plan matériel, cette fameuse volonté qui n'est pas de lui. Ah. La fondation doit être totalement écroulée. C'est pour ça que je vous explique pour demain ce que vous êtes susceptible de vivre demain, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe demain, sans être abasourdi par la lourdeur de la tâche qui s'impose à l'ego lorsque l'esprit entre en lui et impose sa volonté sur la volonté de l'ego. Comme il impose son amour sur l'amour de l'ego, comme il impose son intelligence sur l'intelligence de l'ego. C'est pour ça qu'après un certain temps, on n'est plus dans notre personnalité telle qu'on était avant. Et notre ego n'a plus la même résonance qu'il avait avant. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on est bien parce qu'on est bien dans notre peau. Puis on est bien dans notre peau parce qu'on n'a plus de forme. Le contact avec le supramental, c'est un échange constant entre eux autres, puis nous autres, puis eux autres, puis nous autres, puis eux autres, puis nous autres. Constant, constant, constant, ça n'arrête pas. Ils sont toujours là, des vrais fatigants. Puis je sais que, à cause de la nature du rôle de la sexualité dans la vie humaine, il y en a beaucoup qui souffriront dans leur sexualité parce qu'ils ne la comprendront pas occultement. C'est pour ça que je vous donne un coup de pouce en vous disant « ça marche, ça marche, ça marche pas, cassez-vous pas la tête. » On doit en arriver à un point où on ne peut plus s'inquiéter de ce que doit faire ou que fera l'esprit en soi. Parce que si on s'inquiète, on souffre pour rien. On souffre d'appréhension, on développe une anxiété. Il faut qu'on se dégage. C'est pour ça qu'il faut qu'on vive nos vies à tous les jours comme on les a vécues avant, puis comme on les vit maintenant. On les vit, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Une fois que t'es sur le chemin, mais t'as rien qu'à marcher. Faut pas chercher à savoir si le chemin tourne à gauche ou à droite. Il est évident que lorsque l'homme devient conscient qu'il sort de la forme de l'amour, que toute sa personnalité change, que ses rapports avec les hommes changent, même les gens les plus près de lui, et que ce changement produit dans la société humaine près de lui certaines dislocations. Des dislocations qui proviennent du fait que souvent il n'y a pas assez de discernement pour pouvoir manipuler ses énergies d'une façon souple. Mais avec le temps, ça vient. Mais la dislocation se crée automatiquement. Puis, ceux qui doivent la vivre, cette dislocation, ce sont ceux qui sont affectés par le rayon. On n'a pas de choix. C'est normal. Mais je sais une chose, qu'on en arrive à un point où on ne peut plus aimer, dans le sens humain du terme. Et la mesure avec laquelle vous pouvez aimer est la mesure de votre immaturité émotionnelle. Lorsque vous serez dans le supramental, vous serez dans la maturité totale de l'homme et vous verrez que aimer n'est pas possible. Y en a-tu qui commencent à comprendre ça, cette affaire d'amour? Le fait que quand on se conscientise, on ne peut pas aimer. Y en a-tu qui l'ont, cette expérience-là? Il y en a pas mal. Et ça change nos rapports émotionnels avec l'humanité. Et c'est ça qui nous amène à l'individualisation. à l'isolation psychique intérieure. Qui nous amène à vivre notre solitude, la comprendre, notre solitude, qui n'est pas une solitude dans le fond, mais une solitude dans le sens qu'on est seul à comprendre ce qu'on est. C'est une étape extrêmement importante dans l'évolution de l'homme, ceux qui sont arrivés à ce stage-là. C'est difficile à l'homme de réaliser qu'une fois qu'il est conscientisé, toutes les activités de l'homme, à tous les niveaux, mental, émotionnel, vital, toutes les activités de l'âme sont contrôlées par l'âme. C'est difficile à l'âme de réaliser ça, parce qu'il y a encore le libre arbitre. Mais toutes les activités sont contrôlées par l'âme. Alors, si le gars met son 30 sous là-dedans, c'est évident qu'il fait interférence avec l'âme, parce que l'âme, le plan de l'âme sur l'ego, l'ego c'est le véhicule de l'âme. C'est pas l'âme qui est le véhicule de l'ego. De la même façon que la personnalité, c'est le véhicule de l'ego. Alors, l'âme doit dominer l'ego et l'ego doit dominer la personnalité. Rendu à ce point-là, ce qui se passe sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital, c'est tout en relation avec l'activité de l'âme. À ce moment-là, c'est plus de tes affaires. T'es simplement un canal. C'est là que t'es bien dans ta peau. Parce que t'as plus de responsabilité, t'as plus de culpabilité, t'as plus de doute. Tu subis plus d'influence extérieure. Tu te sens dans ta volonté, dans ton intelligence, dans l'amour universel. Mais l'amour universel, elle se manifeste pas toujours aussi souvent que la volonté puis l'intelligence. L'amour, ça se manifeste de temps en temps, cette affaire-là. Parce qu'on a des corps matériels. Le plan où l'amour se manifeste aussi souvent que l'intelligence et la volonté, c'est dans l'éther. Dans l'éther, l'homme connaîtra l'amour tout le temps, la volonté tout le temps, l'intelligence tout le temps. Mais sur le plan matériel, l'homme connaît l'intelligence le plus souvent, la volonté le plus souvent, puis l'amour en dernier de tout, excepté sur le plan humain. Vous êtes tôt dans l'amour, puis l'amour, puis l'amour. Il y en a qui ça a reçu l'amour. L'amour par ici, puis l'amour par là, sont toujours en amour, puis ils sortent de l'amour, puis ils rentrent dans un autre amour. Il y a tout ça de l'amour. Un petit peu d'intelligence, puis pas de volonté pantoute. C'est totalement le contraire. C'est comique, voilà. Dans l'éther, l'amour est toujours là, sur le plan matériel est toujours là. Mais c'est pas l'amour universel. Plus vous avez d'amour sur le plan matériel, moins vous avez de volonté. C'est automatique. Fait que c'est pour ça qu'eux autres veulent détruire les formes de l'amour humain pour que vous entriez dans votre volonté, puis dans votre intelligence, et que vous connaissiez l'amour dans l'éthérique. Parce que c'est avec l'amour dans l'éthérique que vous allez créer des formes nouvelles. Fait que penser à l'amour sans terre, c'est une perte de temps. Se servir de notre intelligence sans terre, c'est important. Puis vivre de notre volonté, c'est essentiel. Fait qu'il dit, l'homme doit aimer dans l'éther. Et il connaîtra l'amour du Nazaréen dans l'éther et non sur le plan matériel. Sans ça, sur le plan matériel, de cet amour-là, t'en souffres. Quand je chiasse, parce que je souffre de cet amour-là. C'est pas vivable, une affaire de main. Tandis que l'intelligence, sur le plan matériel, tu peux t'en servir. C'est plaisant. Tu découvres. La volonté t'agit. L'homme matériel n'a besoin que de l'amour, que de la volonté et de l'intelligence. Dans l'état, il a besoin des trois. Mais nous autres, on fait le contraire. On fait de l'amour ici 24 heures par jour. On n'a pas d'intelligence, un petit peu, puis on n'a pas de volonté. Puis on se pense au bout du bout. On n'est pas nulle part. C'est quelque chose, l'involution. L'involution, c'est l'opposé de l'évolution. Fait que tout ce qu'on fait, c'est opposé. Puis on cherche le grand amour. Il y en a tout le monde qui me parle. Le grand amour. J'ai assez hâte de rencontrer mon cheval blanc. Aussitôt qu'il rencontre, il commence à grisonner. Non, il n'est pas aussi blanc, il y a des petits spots. On se leurre. J'ai dit qu'elle est bien subtile, cette conférence-là. Ton pampan, t'as encore du gaz, toi. Moi, je reconnais toutes les amoureuses dans le groupe. Ah, c'est... Je vous regarde pas, je regarde au-dessus de vos têtes dans ce temps. Ce qu'il y a là, l'amour. Ah, c'est bon. Alors, je peux me mettre les yeux. M'enlever mes lunettes. Bon. Parce qu'ils sont tannants, les autres, en haut. En comprenant de plus en plus ceci, on s'engage sur une voie, on s'engage dans une vibration qui nous amène à nous découvrir. En apprenant l'illusion de l'amour, n'importe quelle sorte d'amour sur le plan humain, on apprend à se découvrir. Oh, bon, on va vous le dire d'une autre façon. La seule voie vers le supramental, c'est la compréhension de ce que je viens de vous dire, le premier. Il n'y a pas d'autre. La seule voie vers le supramental, c'est la compréhension de ce que je viens de vous dire l'après-midi. Il n'y en a pas d'autre que ça. Tout se rattache à ça. Tout se rattache à ça. Parce qu'en comprenant l'illusion de cette forme-là qui est très puissante dans l'homme, on renverse la polarité du corps astral et on s'enligne vers notre énergie intérieure. C'est probablement l'aspect le plus occulte de l'instruction que je vous ai donnée jusqu'à présent, à part de la réalisation que c'est pas nous autres qui pensons. Parce que quand je vous parle, quand je vous disais que c'est pas nous autres qui pensons, c'est au niveau psychologique que je crée le mouvement de changement, que l'attaque se fait pour désengager l'ego mentalement. Mais quand je vous dis ce que je vous dis après-midi, c'est pour désengager l'ego émotionnellement. Le désengagement de l'ego sur le plan vital, ça fera partie de vos expériences personnelles dans l'avenir quand vous serez très conscient. Dans des conditions que je ne commencerai même pas à parler aujourd'hui. Il y a trois niveaux de l'homme qui doivent être totalement réajustés. C'est le mental, l'astral et le vital. Et c'est de l'astral que partent tous les changements. L'astral conditionne le changement du mental comme il conditionne le changement au niveau du vital. Parce que le corps astral de l'homme, c'est le corps du sentiment. C'est le pied à terre de toutes les formes. Il y en a multiples formes de l'expression de l'amour humain. Ça ne paraît pas important, la conférence, après-midi, mais bien important. Bien important. Aussi important que le séminaire. Parce que dans ce que je vous dis, et plus vite l'ego se désengage du sentiment de l'amour, de toutes ses façons, plus vite l'ego engendre en lui la volonté, et l'ego a besoin de la volonté pour tracer dans sa vie matérielle le chemin qui lui est propre en relation avec les plans de l'âme. Alors, quand je dis que l'amour humain l'amour de l'homme tel qu'il le vit, c'est un bien mal, c'est ce que je veux dire. C'est un bien mal. C'est un bien pour un mal. Parce qu'il est rattaché à une forme qui empêche l'homme de connaître l'amour universel qui est totalement au-dessus de l'ego, du mental humain, de l'émotion humaine ou du vital humain. Comme l'intelligence est au-dessus et la volonté au-dessus. La descente de la pensée supramentale sur la Terre doit tout désorganiser, tout réorganiser, ce qui a servi à édifier par le passé l'humanité. L'humanité ne peut plus vivre dans le passé de son expérience, doit vivre dans le présent de sa conscience supramentale qui dicte les lois du jeu. Et c'est ainsi que la conscience supramentale créera sur la Terre une nouvelle civilisation dans des conditions vibratoires totalement occultes. Tout ce qui est égo, que ce soit bien ou mal, est en deçà de la lumière. En deçà de la lumière. C'est pour ça que je dis, faites attention à votre amour spirituel, faites attention à votre amour humain, parce qu'un jour, vous aurez plus ces béquilles-là pour donner à votre égo une coloration quelconque. Pour vous donner une certaine sécurité, parce qu'ils vont toutes vous l'enlever, cette sécurité. Quand ils disent qu'ils sont anti-égaux, ça veut en dire beaucoup, anti-égaux. Moi, je l'ai vécu, ça, leur attitude anti-égaux. C'est pour ça que j'ai goûté. Ils sont anti-égaux. Quand ils disent que c'est aussi dur un chat de rentrer dans le cul d'une aiguille, c'est exactement ce que ça veut dire, qu'un chameau dans le ciel. En tout cas, je suis pas capable. Ils disent que ça revient toujours au même. La séparation entre la forme, quand ils me font parler de même, là, comme un niaiseux, là. Il y a une forme, il y en a, ça les farie, il y en a, ça les farie. Il y en a d'autres, ça les affecte. Au lieu de dire le cul, je dirais le trou, l'aiguille. Ça vibre. C'est tout le spirituel, ça va loin, c'est pas pour rien qu'ils me font parler de même. Puis moi, j'aime pas ça, mais je suis obligé de vivre pareil. Ils sont anti-égo. Puis un jour, vous allez comprendre que c'est anti-égo. Fait que toutes les formes, tous les sentiments, tout ce qui vous fait vibrer spirituellement, tout ce qui est lié au... Ils vont vous mettre la hache là-dedans. Puis ceux qui pourront pas passer à travers vont mourir automatiquement. on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est la lumière. On a des sentiments de ce que c'est, mais on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est. On a toutes sortes de sentiments. Si vous appartenez à une église, c'est une sorte. Une autre école ésotérique, c'est une autre sorte. Un autre groupe ésotérique, c'est une autre sorte. Vous avez toutes sortes de formes de lumière. Un jour, vous allez voir que ce que vous avez vu, c'était pas ça. Checkez bien vos claques. La lumière astrale, c'est pas la lumière. C'est pour ça qu'avec le temps, plus on se parle, plus on se rencontre. Si vous êtes capable d'en arriver à me prendre objectivement, puis à pas vibrer quand je vous dis quelque chose, vous agrandissez votre champ d'expérience au niveau de votre propre esprit. Parce que là où vous vibrez, je vais vous attaquer. C'est automatique. Surtout si je suis seul avec vous autres. C'est vibratoire. Toutes vos faiblesses, je les sens. Fait que je travaille sur ça. Je travaille sur ça. Je n'arrête jamais de travailler. Jamais j'arrête. Fait que si vous vous ouvrez vibratoirement à ma vibration, vous augmentez en vous votre résonance. C'est comme ça que vous avancez. Plus vite. Au lieu de tâtiner d'un champ de patates. Vous pensez que c'est long une génération. Vous allez voir que c'est pas long une génération. Ça passe vite. On ne peut plus se permettre d'être niaiseux. C'est pour ça qu'on ne peut plus se permettre d'aimer.